manque un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG 90.7 de la bande FM et ainsi que sur le net rigfm.fr. Bienvenue dans cette émission, la 577, et aujourd'hui je vous présente en exclusivité et avec la participation de Universal Music et de Xavier Perrault, le concert de Johnny Hallyday à Toulouse le 2 et 3 juin 2000 qui sera disponible dès vendredi le 23 mai 2025 chez tous les disquaires et les plateformes e-commerce, également les plateformes musicales. Avec les intervenants de cette émission spéciale aussi Toulouse 2000, nous allons retrouver Angéline Anonier, choriste de Johnny de 1998 à 2003, Gérald Grégo, le producteur des spectacles à Toulouse, Jean-Étienne Louze, l'ingénieur du son de ses mixages 2025 des spectacles Toulouse et Tour Eiffel, et sans oublier l'incontournable Jean-François Chenu. Bonjour Jean-François. Salut Eric et bonjour à tous tes auditeurs. Nombreux, de plus en plus nombreux d'ailleurs. Ah ben oui. Après le succès des différentes émissions que nous avons eues, on se retrouve cette fois-ci pour parler de Toulouse. Toulouse. Avec l'accent. Hein. Oui, la ville rose. Grande équipe de rugby. Aussi. Ouais. Ah, faut pas mettre de côté l'UBB. Hein. Ah ben cette année, on les a battus alors. On va jouer la finale de la Coupe d'Europe. Exactement. Ça va. On va la gagner. Mais on va pas parler de rugby, non. On va vous parler de Johnny Hallyday et de la prochaine short sortie chez Universal. Absolument, oui. Bah écoute, en fait, c'est le thème un peu permanent de cette année 2025, ce sont les 25 ans de l'été 2000 de Johnny. Un été qui a été absolument extraordinaire. Donc il y aura plusieurs rendez-vous, plusieurs épisodes ou plusieurs étapes dans cette célébration. Et le premier événement, c'est la sortie le 23 mai. D'un CD sur les concerts en fait qu'il a donné à Toulouse les 2 et 3 juin 2000, qui étaient deux concerts, on va dire, de chauffe, de répétition avant le grand rendez-vous qu'il avait donné le 10 juin à la Tour Eiffel. Il y en a qui vont dire c'est le tour de chauffe. Non, on va dire c'est un vrai concert, quoi qu'il en soit. C'est un vrai concert. Mais c'est vraiment une mise en place en quelque sorte. En fait, il avait quand même beaucoup répété à Los Angeles avec ses musiciens, et donc là, il est en France, il fait deux shows, c'est au Zénith de Toulouse. Évidemment, de Zénith qui était plein à craquer, les 2 et 3 juin. Et on va voir d'ailleurs que ces deux shows permettent des ajustements parce que le track listing final sera un peu différent de ce qu'il a proposé à Toulouse. Il y aura après, le 8 juin, à Paris, une répétition générale du concert de la Tour Eiffel du 10. Ce 8 juin, c'était un jeudi. Il faisait un temps absolument magnifique à Paris. Je me souviens, je me suis pointé vers 23h au Champ de Mars. Alors, il y avait des grillages, on ne pouvait pas approcher, mais on entendait bien. Et on voyait sur les écrans Johnny et qui répétait, donc on appelle ça le filage, du concert qu'il avait donné à Tour Eiffel. Mais Toulouse, 2-3 juin, c'est vraiment la grande répétition de ce qui se prépare. Et on a donc récupéré, Xavier a récupéré les bandes de ces deux concerts. Alors, ces deux concerts, j'y étais pas, hein, et je connais pas de personne qui était, sauf en fait Jean-Yves Billet, qui à l'époque s'occupait de Johnny, qui était à Toulouse et qui m'avait longuement raconté ces deux concerts, avec qui j'en ai reparlé depuis. Et en fait, il y a eu deux concerts un peu différents, c'est-à-dire que le 2, Johnny n'était pas au meilleur de sa forme, on va dire. Le concert du 2 était quand même moins bon, le 3 était excellent. C'est surtout ce concert du 3 qui sert de base au projet qui sort. Mais il y a des titres qu'il a interprétés le 2 juin. Qu'on a évidemment gardé pour proposer l'ensemble des chansons qu'il a chantées au Zénith de Toulouse les 2 et 3 juin. Donc c'est pour ça qu'on ne retrouvera qu'un seul concert, un mix de ces deux concerts. Absolument, un mix des deux concerts, avec la base. La base est vraiment le 3 juin. Mmh, je crois qu'il y a 5 titres uniquement du 2 juin. Du 2 juin, et il y a surtout un titre, dont c'est la seule version qui est déjà sortie le 9 mai en single, qui sont Les Larmes de Gloire, titre écrit par Ravalek, de l'album 100%, réalisé par David. D'après toi, tu as une idée pourquoi il a été retiré ce titre ? On a l'impression qu'il n'est pas à l'aise sur ce titre. Ah bah, oui, c'est sûrement ça. C'est quelque chose. Il l'a fait. Bon, probablement que à la fois son équipe et lui ont estimé que c'était voilà, il y avait peut-être mieux à faire et que c'était pas. Il y avait déjà d'autres titres de l'album de David et que celui-ci ne faisait pas la différence par rapport à d'autres soirs. Ce qui est sur ces deux concerts en fait la Tour Eiffel. C'est un énorme best-of parce que, à l'exception de deux titres qu'il va rechercher, et ça, c'était très sympa, sont Deux étrangers et Qu'est-ce que tu croyais, qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps. Évidemment, des titres de David, mais l'album cartonne à ce moment-là, c'est une grande année, l'année 2000, c'est exceptionnel pour les Hallyday, oui, parce que père et fils. Hein. Sinon, ce ne sont que des tubes, que des titres hyper connus, que des tubes, donc c'est un vrai best-of. Voici tout de suite Les Larmes de Gloire, John Hallyday à Toulouse en l'an 2000. Premier extrait de cette série d'extraits de ce concert de Toulouse. Il y en aura une bonne quinzaine. Ouais, écoutez, une bonne quinzaine. Que j'aurais pu faire, aller jusqu'au bout de la terre, rester pour toi l'univers. Dis-moi ce que j'aurais pu faire. Les larmes de toi ont la couleur de toutes les peurs. Les larmes de toi ont une histoire faite de tes couleurs. Et j'en sens toi. Je ne voulais pas d'autre chose que le goût d'une nuit dans tes bras. Fais ça semblant d'oublier les combats que j'aurais dû livrer. Quand à la tête d'une armée, vers tes maléfices tu marchais. C'est là de toi ont la couleur de toutes les peurs. C'est là de toi ont une histoire faite de tes couleurs. Nous aurions vaincu les tourments, remplis de cristal de lumière, et non pas ces jours de colère. Fight! Et dans le concert de Toulouse, on retrouve 5 titres de l'album 100% et on n'en voit que 3 lors du 10 juin à la Tour Eiffel. À la Tour Eiffel, dont un duo qui n'est pas le meilleur duo qu'il ait pu faire de sa carrière avec une jeune fille qui s'appelait Sonia Lassen, qui était une protégée de Jean-Claude Camus, qui à l'époque chantait dans une comédie musicale qui s'appelait Ali Baba. C'était à Paris, c'était au Zénith, je crois. C'était une production Jean-Claude Camus. Qui n'a pas été un immense succès et qui n'a pas laissé un souvenir impérissable. Non. Cette année 2000, elle est évidemment, c'est un changement de siècle, c'est un moment qui a compté dans la vie de chacun. Et donc ce concert qui avait été décidé avec la participation de la mairie de Paris, de sa maison de disques et de TF1, la Tour Eiffel, c'est probablement un des sommets de sa carrière, parce que ce concert-là, il va être pour la première fois diffusé en direct à la télévision. Donc c'est la première fois qu'il y a un show de Johnny Hallyday intégralement diffusé en direct par une chaîne de télévision. Avant, le Parc des Princes, par exemple, 93, c'était une semaine après, il y avait eu un montage de 2 heures à peu près du concert qui avait été diffusé sur TF1. Là, c'est comme pour le Stade de France, mais là, il fallait qu'il soit prêt à 21h. Et pour cette diffusion, on aura l'occasion d'en reparler, parce que le deuxième rendez-vous de cette célébration de l'été 2000, c'est le 15 juin, le dimanche 15 juin. J'invite tous tes auditeurs à aller au cinéma, voir ce concert au cinéma, avec un son Dolby Atmos, en tout cas pour les salles qui sont équipées de ce système-là, qui est vraiment exceptionnel. Donc il y a plus de 300 salles qui vont diffuser le concert. Il y en a en Belgique, il y en a en Suisse, évidemment, il y en a dans toute la France. Et ce sera le deuxième événement, la deuxième célébration de cet été 2000. Alors, il y aura d'autres après, mais on n'en parlera pas maintenant. Chaque chose en son temps. Oui, pour l'instant, on est sûr. Il faut être un peu patient. Et donc là, on va avoir ce Toulouse, il va sortir en digipack, double CD et en vinyle. 4 vinyles, je crois. Oui, quatre vinyles, c'est ça. Oui. Voilà. Et puis, il y aura 2 singles. Donc, il y en a un qui est sorti le 9 mai. Les larmes de gloire couplées avec 2 étrangers. Et il y aura un deuxième single qui sera Pardon, qui est un titre qu'il a chanté à Toulouse, qu'il n'a pas chanté à la Tour Eiffel, mais qu'il chantera à l'Olympia après. Donc là aussi, une version qui est intéressante, parce qu'elle est différente de celle de l'Olympia. Assez différente. Ce concert de Toulouse est une bonne surprise. Est une bonne surprise dans cet ensemble-là. Alors, on avait décidé avec Xavier de mettre un deuxième titre de David. Et on avait choisi quelques cris. Puis au moment d'envoyer la commande, en fait, la fabrication, il a mis 100%. Donc c'est 100% qui sera le deuxième titre de ce single, ce qui n'a pas grande importance. C'est un titre de David. On voulait absolument marquer le coup, parce que voilà, c'est l'année où l'album 100% qui est sorti au mois de septembre 99 continue de cartonner avec des singles qui marchent formidablement bien, et l'album continue à se vendre, enfin c'est un succès fabuleux. Et ce qui est amusant, c'est que David aussi a un album à ce moment-là qui marche plutôt bien, on recevait à l'époque, moi j'étais dans une radio, on recevait toutes les semaines, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais enfin les classements, charts et tout, des albums et tout, et on voyait numéro 1 Johnny Hallyday, numéro 2 David Hallyday, single numéro 1 Johnny Hallyday, numéro 2 David Hallyday, enfin les Hallyday étaient vraiment en tête de tout. C'était vraiment, c'est formidable, merveilleuse histoire du père et du fils. Ça a été un succès, mais totalement inespéré. C'est vrai que l'année 99-2000, pour les deux, ça a été vraiment sensationnel. Et on s'attendait d'ailleurs on pensait peut-être voir David à la Tour Eiffel, mais non, il fera pas partie des invités. Non. Après, dans la tournée, il fera des stades, notamment Bruxelles, Genève. Alors, un mot sur les musiciens aussi. C'est quasiment le même orchestre qu'au Stade de France, avec un changement, le batteur. Un nouveau batteur, il a souvent changé. Hein. Il y avait Abraham Laboriel qui était au Stade de France, et c'est Walfredo Reyes Junior qui est à Toulouse et qui sera à la Tour Eiffel. Le mixage est différent de la batterie, on l'entend bien. Hein. La caisse claire, elle frappe beaucoup moins, elle est beaucoup moins claire, la caisse claire, qu'avec le mix original. Oui, et puis Abraham Laboriel, il avait une technique aussi, quand même très particulière. Hein. Donc c'est un son qui est différent. Mais il a encore, par contre, Brian Ray. après qui partira avec Paul McCartney. Montréal, jouer avec Paul McCartney, et ils sont toujours avec Paul McCartney. Donc écoute, non, c'est bien, je trouve que c'est un bon démarrage, c'est un bon concert, c'est un bon live, ça met en bouche avant donc la projection cinématographique de la Tour Eiffel. Et ce qui permet de redécouvrir justement cette période 2000, un nouveau son, on redécouvre, oui, le son, le mix qu'ils ont pu faire, que Jean-Étienne Loos, l'équipe de Turnhouse, ouais, du studio Turnhouse, ont pu faire, c'est qu'on redécouvre un concert, même si on se dit, je le connais par cœur, ce concert, et bien on le redécouvre également avec ce nouveau mix. T'as tout à fait raison de souligner ça, parce que c'est vrai que moi, quand je l'ai écouté, quand Xavier m'a envoyé la bande, je lui ai dit, écoute, c'est formidable, c'est un super concert, on revit pas la Tour Eiffel, c'est autre chose. C'est ça. C'est autre chose, parce que le mix, le son est différent. Et puis même, sur certains titres, Johnny dégage une énergie. Je trouve, par exemple, son interprétation de Quelques Cris à Toulouse, moi, elle me séduit. Enfin, mm-hmm. Je trouve vraiment... La voix est beaucoup plus présente, beaucoup plus en avant de Johnny. Là. Alors, je pense qu'ils vont retravailler la Tour Eiffel, certainement, de toute façon, après le concert diffusé au cinéma. Et donc là aussi, Jean-Étienne va sûrement apporter sa patte. À l'époque, le disque est sorti très très vite après le concert. Il est sorti le 30 juin 2000. Ça a été à une vitesse folle, donc ils n'ont pas passé beaucoup de temps à travailler en studio le mixage et autres. Ils n'avaient pas le temps, de toute façon, il fallait aller très vite. Donc là... Toujours pareil, récupération des bandes, des multis, avec le temps, tu peux évidemment améliorer les choses. Bien sûr. C'est normal. Bien sûr, bien sûr. Jean-Étienne Loos nous parlera justement de ces mixages-là, justement. Et voici le deuxième extrait de cette soirée spéciale Toulouse 2000. Voici Je suis né dans la rue, Johnny Hallyday sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. spécial Johnny Hallyday à Toulouse le 2 et 3 juin 2000 sur RG dans l'émission Johnny de A à Z. Retour à présent Jean-Antienne Louz, ingénieur du son chez Tone House, qui nous parle du mixage Dolby Atmos pour la projection cinéma du 15 juin. Ce qui était cool avec ce concert, c'est qu'on avait beaucoup d'ambiance. Il y avait 16 micros d'ambiance qui ont été répartis sur tout le Champ de Mars, ouais. Pour ce qui est pas mal. Depuis, Daniel, combien dans une salle ? En général, sur des concerts, on est entre 2 et 8. Ah oui, ouais. Et là, ouais, là, il y avait 16 micros d'ambiance. Avec, en plus des autres pistes, c'est pareil, comme ça tient sur... on a 48 pistes instruments, et puis donc 16 ambiances. Donc ça fait quoi ? 64 pistes, quoi. C'est énorme. Ouais. Déjà, il y avait beaucoup de monde sur scène. Oui. Et comme d'habitude, tous les concerts de Johnny, il y a beaucoup de monde sur scène, donc il y a beaucoup de lignes. Hein. Sur la batterie, tu as un micro par élément, donc tu as 10 pistes. Tu as 2 lignes par clavier, tu as 3 claviers, une ligne par par cuivre, mm-hmm. une ligne par cœur, puis après tu as l'orchestre. Bah, d'ailleurs, ça joue terrible hein, sur ce concert, ça joue vraiment bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur la Tour Eiffel, donc, parce qu'on va essayer de promouvoir encore ce son, le son cinéma. Le son du Dolby Atmos, qu'est-ce que tu peux rajouter là-dessus ? Le son en Atmos, donc avec les 16 ambiances, c'est vraiment dans le, on va dire dans la fosse avec les gens. Ça, mm-hmm. ça crée cette impression-là. Il n'y a rien de complètement délirant au niveau des pannes, parce que ça reste du live. Mais malgré tout, la plupart des tout ce qui est cordes, cœur, tout ce qui est clavier un peu planant. On a pu mettre ça au plafond pour que ce soit un peu plus immersif, quoi. Mmh. Et puis, après, on est vraiment plongé, ouais, quand les gens applaudissent, t'es au milieu, quoi. C'est ça. Quelle est la différence que tu peux donner avec le Parc des Princes 93, parce que tu avais travaillé là-dessus aussi. C'est le même principe, on va dire. On a fait ça, la même truc. Le truc, c'est que dans le Parc des Princes, il y avait moins de micros de public, mmh. un petit peu moins. Mais c'est à peu près la même chose. Et là, donc, on devrait être encore plus immergé dans le show. Ouais, dans le public, le public, carrément. On va, bien ressentir les 500 000 spectateurs derrière, là. et alors, tu verras, il y a un vrai... un truc avec ça, c'est que finalement, il y avait énormément de monde, et ça fait beaucoup 16 micros, mais ça fait que 16 micros. Oui, c'est ça, oui. On entend quand même vachement la proximité. On entend les gens parler, on entend... Il y a un espèce de contraste, en fait, entre le côté où, quand ça se met vraiment à gueuler, mm-hmm. tu sens qu'il y a du monde, mais à la fois, des fois, t'entends les gens parler, t'entends dire, les gens crier Johnny, tout ça, c'est marrant, quoi. Il y a un espèce de contraste entre un truc intime et un truc ultra, en fonction des moments, quoi. Ouais, tout à fait. Voici à présent Xavier Perrault, chef de projet du catalogue Johnny Hallyday chez Universal Music, au micro de Johnny de A à Z, qui va nous parler justement de cette projection au cinéma du concert de la Tour Eiffel le 15 juin 2025. Et il va nous parler justement de ce son Dolby Atmos. Un conseil aux gens, c'est offrez-vous des places pour aller voir le concert au cinéma le 15, si possible dans une salle qui a la technologie Dolby Atmos. Le Dolby Atmos, c'est une technologie qui est apparue, on va dire, au début des années 2000 environ, qui permet une spatialisation du son. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais très sincèrement, le Dolby Atmos, selon les salles, la configuration des salles, on est sur des 40, des 50, des 60, voire des 80 enceintes dans certaines salles cinéma. Et le son est juste dantesque. Moi, je l'ai validé, ce son Dolby Atmos, pour la diffusion cinéma. Et je peux vous dire que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a pu écouter jusqu'à présent. Il faut savoir que au cinéma, avec le Dolby Atmos, les gens vont profiter au maximum de ce son d'ambiance et de ce nouveau mix inédit. Si en plus ils sont dans une salle qui est Dolby Atmos, qui a cette technologie Dolby Atmos, ça va être encore plus impressionnant, plus spectaculaire, si tu veux. Par exemple, les ingénieurs du son qui ont travaillé donc sur ce mix Dolby Atmos, tu travailles pas simplement canal gauche-droite comme en stéréo, mm-hmm. là t'as beaucoup plus de canaux en fait. Tu peux spatialiser, diffuser le son d'une façon beaucoup plus large, beaucoup plus ample et en même temps beaucoup plus précise. Cette diffusion cinéma, elle va avoir lieu qu'une fois. Donc j'invite vraiment les gens qui souhaitent profiter au maximum du travail qui a été fait, de le faire, voilà, de se payer cette place de ciné parce que ça n'aura lieu qu'une seule fois le 15 juin à 20h. Une expérience unique. Ouais, exact. Parlons toujours du son du concert de la Tour Eiffel 2000, Jean-Étienne. Qu'est-ce que t'as apporté comme différence sur le mix original, celui qui est sorti en 2000, et le mix que tu as fait 2025? On va dire que, comme d'hab, les outils d'aujourd'hui, même si ça a quand même 25 ans, on va dire, en 25 ans, les outils ont pas mal évolué. Et moi, j'ai pu nettoyer vachement plus facilement et mieux les pistes, notamment sur la voix, sur toutes les pistes, entre tous les instruments qui ont des micros. Donc quasiment tous les instruments, hormis les claviers et la basse. Il y a pas de la repisse, en fait. Donc t'entends un peu des autres trucs. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, on peut vraiment nettoyer bien tout ça, histoire d'avoir vraiment la précision. Et derrière, on peut aussi utiliser les ambiances pour avoir, toute l'atmosphère, quoi. Mais du coup, ça va être plus précis. Au niveau du mix, ce sera plus précis sur le nouveau mix, en sachant que le mix qui a été fait d'origine, il est bien, hein, il n'y a pas de souci. Eux, ils ont pris un peu le chemin, quand même. Ils avaient mis la grosse caisse très, très forte. Je trouvais un peu trop. Bon, après, c'est un choix. Et c'est c'est un tout petit peu plus brouillon dans le mix d'origine. Mais je te dis, ils ont fait avec les moyens d'époque et c'était bien réalisé, évidemment. Et oui, parce qu'à l'époque, le concert était le 10 juin 2000 et ils l'ont sorti le 30 juin 2000. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont eu un très court laps de temps pour travailler le mixage. Et tu m'étonnes. En 20 jours, travailler le mixage, après faire l'impression des disques. Bah, même pas, en fait, j'ai envie de dire. S'il est vraiment sorti le 30 juin, ils n'ont même pas eu 20 jours. Hein, bah, ils ont eu 3 jours, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que notre technicien de studio avec qui je discutais de ça, lui, je crois qu'il se rappelle de ce truc-là. Et en fait, il mixait à deux. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui mixait le stéréo et à côté, dans le voyageur, il mixait le 5-1 en même temps, pour pas perdre de temps. Ben oui, tu m'étonnes. Mais bon, voilà, le résultat est... Enfin, ce qu'ils ont fait est bien, hein, y a pas de problème. Ah non, c'était bien, c'était bien. Le seul truc, c'est que voilà, aujourd'hui, on a plus de technologie, on avait plus de temps, on a pu... moi, j'ai travaillé sur ça, sur ce côté un peu précision. Mais garder le punch, je pense que c'est même un peu plus punchy. Côté moderne, avec la batterie, hein, la batterie est plus devant, tu vois, la caisse claire est un peu différente. La caisse claire est différente, justement, c'est ce que j'allais te dire. Que ce soit sur Toulouse, que ce soit sur la Tour Eiffel, la caisse claire est plus grave, on va dire, plus basse. Exactement, ouais. Alors ça, c'est vraiment, c'est très subjectif, hein. Moi, j'aime ces caisses claires-là, donc j'ai vraiment poussé le curseur vers ça. Ouais. Alors ça, c'est toi qui le choisis, ça, ou c'est discuté avant? Bah, moi, je le choisis, puis après, si on me dit, la caisse claire, là... Je le change, tu vois. Ouais. Moi, c'est le premier truc qui me vient à l'oreille, justement, c'est la caisse claire. Parce qu'on est tellement habitué, en 25 ans, on a tellement écouté ce concert, du moins, on a ce concert en tête, et dès qu'on entend la batterie, la caisse claire, de suite, tu dis, oh là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Donc, du coup, tu trouves ça pourri ou... Ah non, c'est non, ça, non. Non, pas du tout, justement. Parce non, je rigole. Est intéressante ta question, justement. C'est que, bien sûr. On va dire que, à force, quand j'écoutais le mix original, la caisse claire, aussi claire que ça, fatiguait l'oreille. Ouais, c'est ça. Je la trouvais fatigante. Et quand tu écoutes ce mix-là, et là, tu dis, on retrouve les mix que tu as pu travailler auparavant également. Tu essaies de retrouver la même qualité sonore ou le même grain sonore sur ces productions-là. Donc, ça ne fatigue pas l'oreille. Et justement, c'est une relecture aussi en même temps de ce concert-là. Donc, ce n'est pas du tout choquant. Et c'est plaisant à écouter une autre vision de ce concert. Oui, bah c'est le but. Hein, parce que je ne peux pas dire que, en plus, le mix de la Tour Eiffel, moi, je le trouve bien. Ce qu'ils ont fait, il est bien. Il n'y a aucun problème. Donc, je suis obligé d'aller quelque part ailleurs. Et moi, le premier truc que je trouvais insupportable, et notamment dans le multipiste, c'est-à-dire que je trouve que la caisse claire, elle a été mal enregistrée, en fait. Oui. Elle sonne pas du tout, je trouve qu'elle sonne vraiment pas bien, donc c'est, voilà. Mais Toulouse et Tour Eiffel, la prise de son de la caisse claire, elle est pas très jolie, je trouve. Donc, du coup, il a fallu passer un peu de temps dessus pour changer le son, quoi. Enfin, le faire comme j'avais envie de l'entendre. On va dire. Oh, merci. Ah oui, le son à caisse claire est tout à fait différent. On redécouvre ce concert de Toulouse, enregistré le 2 et 3 juin 2000. T'attendrai, là j'ai terminé, mais ça m'a pas tout. ce mardi. Je t'attendrai vers jusqu'à minuit au maximum et après tant pis. Et les secondes font la ronde. Maintenant j'attends, c'est long, là jusqu'à minuit. Oui, là jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Au rendez-vous déjà je suis devant le barman abruti qui me raconte toute sa vie. Minuit seul, il me donne un petit mot où je lis que tu t'es fini. Oui, que tu t'es fini. Oh tu sais, tu t'es bien. Découvrez en exclusivité le concert de Toulouse enregistré le 2 et 3 juin ici sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Et à présent, recevons dans l'émission Johnny de A à Z Gérald Grégo, le producteur des concerts du 2 et 3 juin 2000 à Toulouse. Tu vas pouvoir te présenter. Je suis Gérald Grégo, président fondateur du groupe Médiane, une agence d'événementiel et de voyage. Median Event and Travel. Donc, ça va faire 20 ans, ouais, à peu près. Là, on vient d'agrémenter notre service avec un lieu qu'on a ouvert qui s'appelle la Résidence Baragnon, un lieu événementiel avec un club chef d'entreprise qui sont membres. Ça, on développe ça depuis maintenant un an. Et un restaurant aussi qui s'appelle le Gaïa, dans lequel on est actionnaire avec Dupont et Barassi et le groupe AFRE à Toulouse. D'accord. Donc ça vient compléter un peu notre offre bien sûr. Du quotidien. On a un cabinet de coaching aussi qui s'appelle Bicom. Voilà, bon, la boîte, elle a évolué. On représente, on a une trentaine de salariés pour 10-12 millions d'euros quoi, à peu près. Mm-hmm. Le chiffre d'affaires quand tout va bien. On est en 62, toujours la bonne énergie et l'envie d'avoir envie, bien sûr. Comment vous êtes venu donc dans l'événementiel ? Ah, bah, moi, je suis venu dans l'événementiel par hasard en 91. Parce que j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui étaient tous fédérés autour d'un support commun qui était le TFC à Toulouse, le Toulouse Football Club. Bien sûr. Et ces gens n'avaient aucun lien entre eux. Ils prenaient tous des loges et il n'y a pas de liaison. Et un jour, je me suis dit, tiens, ce serait pas con que moi, j'achète 3, 4, 5, 6 loges et que je revende des places au détail par petits groupes à ces gens-là. Et que de ça, ensuite, je les mette en relation et je travaille leur propre communication et c'est parti comme ça. Alors c'est parti du fait que j'aimais la musique aussi, et donc j'ai fait DJ et des choses comme ça. Mmh. Et donc on me demandait au début d'organiser bah, l'anniversaire de madame, l'anniversaire de l'entreprise, etc. Puis après, plus ça allait, plus on me dit, bah voilà, j'ai un événement à organiser, est-ce que tu peux prendre un ? Donc je me suis développé comme ça, à travers ce support commun qui était le foot, d'où le nom de ma boîte qui s'appelle Médiane, d'où la ligne Médiane du terrain de foot, qui en plus je trouvais que c'était un joli nom, presque un prénom, Médiane. Ouais. Et c'est parti de là en fait, en 91. Et puis après, bah, j'ai développé tous mes sens artistiques et musicaux parce que j'aime le son, j'aime la musique. Et puis Johnny, c'était pour moi, bah, c'est l'icône, mais je me suis toujours dit en projection, hein, par rapport à l'évolution de ma boîte, en 2000, je ferai quelque chose. Et en 2000, il sort ses concerts à Tour Eiffel et tout ça. Et moi, je me suis dit, putain, j'aimerais bien le produire. J'ai peur de rien, hein, donc comment je peux le produire ? Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Non, on n'a rien à perdre à demander, mais on peut perdre beaucoup à c'est faire. Ça, exactement. La formule est plutôt là-dedans. Oui. Et donc, deux ans avant 2000, il vient chanter à Toulouse au Palais des Sports. bah, je dis, ben, c'est l'occasion d'aller rencontrer les gens qui le produisent et tout ça. Camus, Lydie Pradal, et bref, chemin faisant, en 98, je crois que c'est décembre, c'est ça. Il passe à Toulouse, et je vais deux soirs au Palais des Sports. Premier soir, j'y vais, je connaissais les mecs de la sécurité, je dis, bon, laissez-moi rentrer, je vais voir Jean-Claude Camus, j'ai un truc à lui dire, il me laisse passer, je vois Camus, il me dit, le mec, il dit, bon, lui, bon, il me calcule pas, premier soir, je dis, bon, bah, revenez demain, et... Ouais, je dis, moi, j'aimerais vous voir pour organiser un concert de Johnny. Bon, le mec dit, bon, il est gentil, lui, mais j'ai pas besoin de lui. Le lendemain, je le revois. Et là, pour le coup, je discute et je dis, ben, je sais pas si on peut se voir pour en parler, mais j'aimerais bien marquer notre savoir, l'image de l'agence. Et puis, mon icône, c'est Johnny, c'est la référence française. Et voilà, donc je serais trop fier de pouvoir organiser un concert. Il me dit, ouais, on va se voir à Paris. OK, venez à Paris. Donc, je vais le voir à Paris. Et puis, entre-temps, dans sa tête, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé, mais il s'est dit, tiens, ce serait pas con de faire une répétition grandeur nature dans un beau zénith. Bilan de l'opération, on discute. Mm-hmm. Donc là, il me reçoit, il me dit, bon, on peut regarder, étudier. Et puis, voilà, je comprends pas que lui, dans sa tête, si, ben, ça nous fait une répétition grandeur nature sur deux soirs avec les éléments de décor en partie qui peuvent rentrer sur la scène du zénith, etc., etc. Bon, je vais assez vite, mais bingo, le mec, il te dit, bah, ok, on va y aller. Et ça coûte autant. On va y aller. Et ça coûte tant. Sauf que c'était pour un soir au départ. Oui. Et moi, je vends bien évidemment le premier soir très rapidement. Je dis, bah, on va faire deux soirs. Allez, on fait deux soirs. On fait deux soirs et on va écouter juste après le pénitencier la continuité de cette histoire qui est cocasse. Vous découvrez ça également dans le livret qui est fourni avec le CD Toute l'histoire de Gérald Grégo, le producteur des deux spectacles de Toulouse. On le retrouve juste après ça, voici le pénitencier Johnny D sur RIG. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres galants finissent. Pour moi, ma mère a donné Retrouvons Gérald Grégo sur sa ténacité, la ténacité de Gérald Grégo, et sur la construction du projet Toulouse 2000 sur deux dates. Sur deux dates, et après il y a toute la construction du projet, mais la difficulté qu'on a avec Camus et sa production, c'est qu'il impose le prix de vente et le prix de vente des billets. Bilan d'opération, tu te retrouves à être prisonnier d'un fonctionnement que tu maîtrises pas dans l'aspect commercial des choses. Tout à fait. Mais bon, après, pour moi, j'étais fier de pouvoir produire, de dire, bah, c'est moi, voilà. On avait un local qui s'appelait Goudard, là, qui appuyait un peu les productions locales, hein, mais bilan d'opération, on valide. Et il y a tout un process de mise en place, mise en œuvre. Je sais plus en euros ce que ça représente. Je crois que c'est 750 000 euros les deux dates, quoi, à l'époque. Donc moi, petite entreprise, je trouve un partenariat avec une banque qui me finance à taux zéro en étant partenaire le projet. Après, bah, chemin faisant, voilà, super. C'est le 2 et 3 juin, on y va, on avance. Après, je me dis, mais putain, mais là, je gagne pas d'argent, en fait. J'achète, je vends et... Rentabilité zéro. Non, rentabilité zéro, vu le temps qu'on va y passer, zéro, vu les places qu'on va donner, zéro, etc. Et là, je me dis, bon, comment j'arrive à m'en sortir? Et j'ai une idée, je me dis, tiens, putain, je vais créer un village de partenaires devant le Zénith. Et village de partenaires devant le Zénith, c'est des chapiteaux de 10 par 10, tu mets 18 personnes dedans, terrain de pétanque, un car régie avec la dépêche, et je mets des concerts sur place, du live avant, apéro, un peu ce qui se fait maintenant, toutes les prestations VIP d'avant match, d'après match, etc. Donc je monte ça, je vends tout mon bordel, et là je me dis, bah, bon, ça me permet d'avoir une soulte qui est pas mal. Super. Et pour vendre ça, j'avais fait des plaquettes. Et c'est sur les plaquettes, j'avais mis le logo du Crédit Agricole parce qu'il me finançait un peu tout le bordel. Et je me suis dit, moi, une fois de plus, première production, bon enfant, pas de mauvais état d'esprit, de rien du tout, juste l'idée de faire un projet, de le produire, de pas perdre d'argent et de faire ce qu'on sait faire autour du concert, c'est-à-dire de l'événementiel. Ce que je fais. Sauf que arrive un jour, ma plaquette, elle arrive chez Camus à Paris. J'étais en voiture, là, comme aujourd'hui. Je vois un coup de fil de Lydie, son assistante, qui m'appelle. Bon, moi, je dis, ouais, ça va, Lydie? Ah non, ça va pas du tout. Ah bon, je dis quoi? Elle me dit, Jean-Claude Camus a vu votre plaquette avec le logo du Crédit Agricole. De quel droit vous associez l'image de Johnny à votre événement, et tati et tata. Je vous le passe. Il était avec Jean-Michel Jarre sur les pyramides en Égypte. Et là, il m'a dit, écoutez, Grégo, votre concert, vous l'avez vu, ben vous l'avez plus. Salut. Bon, il raccroche. Ah. Et là, avocat, vous démerderez avec mes avocats, etc. Bon, moi, j'étais comme un gosse. Donc, j'ai. Enfin, un gosse blanc, pour le coup. Parce que là, tu dis, tu plantes ta boîte, tu plantes tout. D'un projet ambitieux de valorisation, ça devient une catastrophe économique. Donc moi, je fais mon caliméro en l'appelant et en appelant Lydie, en lui disant, bah, Lydie, non, c'est pas possible, là, vous avez tué ma boîte, machin. Puis je vais voir Jean-Claude, elle me cale un rendez-vous, elle me le passe avant, elle me dit, écoutez, Gérald, c'est pas bien ce que vous avez fait. Bah, je comprends pas ce que vous me dites. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Jean-Claude? Parce que moi, il n'y a pas de vice, il n'y a rien dans ce que je suis. Je veux juste répondre à votre demande. Mais elle me dit, c'est pas... Si vous voulez qu'on aille plus loin, vous démerdez à récupérer les 300 plaquettes que vous avez distribuées et vous me les remontez à Paris et on se reparle. Donc j'ai fait mon petit enfant à récupérer les 300 plaquettes. Je suis monté à Paris, j'ai représenté et il m'a dit, bon, ce mec-là, il a des couilles quand même, c'est pas un mauvais mec, on va aller plus loin. Parce que c'est pas un méchant, enfin, Camus, pour moi, je perçois comme ça, c'est un businessman, c'est normal, il défend ses intérêts, c'est normal. C'est un tueur, c'est normal, mais c'est un gentil, c'est pas un méchant. C'est un gentil, mais bon, après, il marque son territoire, et moi, j'étais juste un espèce d'électron libre qui s'est engagé sur un projet comme ça, la tête basse, sans imaginer les risques potentiels qu'il pouvait y avoir en dehors de la maladie de Johnny, où j'avais pris des assurances et tout le bordel, enfin, tout ça. Donc, ceci dit, il me voit, il me dit, bah, allez, c'est bon, ça va, je vois que vous êtes honnête dans votre approche, on continue. Vous êtes maladroit, voilà, vous êtes maladroit, mais... Ouais. Et après, je suis venu presque pendant l'événement, pas son ami, mais je veux dire, bah, après, il a été très cool. Bien sûr. Et donc, on est allé au bout. Ils sont allés au bout, puis on écoutera la suite juste après ce titre, Deux étrangers. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny, mercredi de 22h jusqu'à minuit. Et ce soir, en exclusivité, vous écoutez les extraits du concert de Toulouse le 2 et 3 juin 2000. On s'est aimé, trop peut-être, en détruisant notre amour. Et l'orage en tempête, on s'est perdu à chacun notre tour. Et après tant d'amour, et après tant de jours, il ne reste que des étrangers. Deux étrangers. Pas de larmes, pas de haine. Il y a trop de gens autour de nous. Je voudrais dire que je t'aime. Dans quelques minutes, on va retrouver Angéline Anonier, ancienne choriste John Hayday de 1998 jusqu'à 2003. Mais retrouvons Gérald. On retrouve le parcours de Gérald qui, une petite anecdote supplémentaire. Et dans un registre un peu similaire, j'avais fait faire des grandes bâches médianes, Event and Travel. Et comme j'ai financé tout le bordel, je lui dis, deux jours avant le concert, je dis, est-ce que Jean-Claude, tu m'autoriseras à mettre la bâche de médiane, il y avait RTL, TF1. Mm-hmm. Il dit non, pas du tout. Donc ça, quand ils arrivent à Toulouse, déjà je passe 4 jours avec eux, à la brasserie de l'Opéra, à l'hôtel de l'Opéra. Il y avait Jean-Louis Aubert, Rita Mitsuko, Sonia Lassen, tout ça. Et bien sûr, Laetitia, Johnny, Camus, bref. Et j'ai la chance de partager un ou deux dîners, je crois, avec eux le soir. Donc c'était top. Pour moi, vraiment rêve de boss, là. Donc je partage et je découvre un peu les personnalités des uns des autres. Jusqu'à ce que même Johnny, au cours d'un dîner, celui de la veille du concert, il se lève en plein milieu du repas et me dit « Salut, c'est Johnny, alors je vais, tu sais que demain, je vais pas faire ton concert. » Ah bon? Pareil, reblanc. Qu'est-ce qu'il me raconte? Et là, les mecs, ils jouent entre Camus et tout. Je dis, mais merde, qu'est-ce qu'il a et tout. Bon, en fait, il sort de table, il va boire un whisky en chambre ou je sais pas quoi. Et bref, il revient, puis il te dit, bon, t'inquiète. Bon, déjà, tu reprends un petit coup derrière la tête parce que tu sais pas si c'est du lard du cochon, t'en sais rien. Mais c'est Johnny, c'est l'humour de Johnny. Et après, moi, j'étais comme un gosse parce que lui, Johnny, on est tous des êtres humains. Donc le mec, quand tu les fais pas chier, que t'es hyper honnête dans l'approche, bon bah voilà, tu respectes son intimité artistique, et mais le mec il tape dans la main, ça va le Toulousain, il parle comme ça quoi. Et donc on arrive au jour du concert, et là je lui dis à Camus le matin, bon, quand même Jean-Claude, vu ce que ça me coûte, j'aimerais bien voir mon logo. Non, c'est pas le temps. Et puis 4 heures avant je crois, il vient me voir, il me dit il est où ton logo là. Bah, si les bâches sont prêtes, là, tu me dis, elle me dit, bah, allez, vas-y, mets-les. Et donc là, je suis démerdé pour, avec les nacelles, les faire monter. Et donc, j'avais logo Médiane, RTL, TF1. Super. Et le matin même aussi, je lui avais montré mon espace événementiel que j'avais créé, avec terrain de pétanque et tout. Il avait trouvé, mais t'es coquin, toi. Il me dit, t'es coquin, t'es malin. Hein. Il me dit, en tout cas, c'est super propre, c'est bien, c'est beau. Bah, j'ai dit oui. Et puis Jean-Claude, honnêtement, on fait tous du business, mais. Clairement, je sur le schéma de départ, je suis pas producteur, moi, je suis coproducteur tu n'as pas besoin de moi pour le faire, Johnny à Toulouse. J'ai la chance que tu as, c'est que tu n'es pas emmerdé, tu es un mec qui valide tout un process économique et que il n'y a pas de gestion à avoir, etc. Donc, bilan de l'opération, il trouve le truc sympa. Et puis après, le concert démarre, sauf que c'est là où j'interviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il prend le micro. Au début du premier concert, et il dit bon bah écoutez, s'il y a quelques petits loupés sur de la scénographie, des chants et autres, nous sommes là dans le cadre d'une répétition de la Tour Eiffel et tout ça. Putain, ils entendent ça, moi je dis putain, le mec il se paie une répétition, c'est ça. Grandeur nature sur le moment. Donc bon, peu importe, honnêtement, le truc était top, Johnny était top, mais tu dis putain merde, ça j'ai pas vu venir. Je t'en prends pas en bras parce que t'es déjà tellement fier d'avoir fait ça, de l'avoir eu, et puis après tu dis c'est le showbiz, et puis ça t'apprend, et puis voilà, mais ça fait cher la répète, quoi, mais c'était top. Mais ouais. on mais sent voilà. Quand même, alors, par rapport à la retranscription du concert, on ne sent pas que c'est une répétition, quoi qu'il en soit. Il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu de coupure pendant le show, quoi que ce soit. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu « je recommence », excusez-moi, je me suis planté, « je recommence », il n'y a pas eu de tout, donc c'était… Non, ça a été un vrai live, et je pense que le propos de Jean-Claude, il aurait dû être fait s'il y avait eu un bug, oui. Pas avant. Et donc il s'est protégé de ça, mais pour moi, ce n'était pas nécessaire, mais bon, peu importe. Honnêtement, par rapport à ce que j'ai vécu, et bon, après tu vis avec eux, tu passes… Et il y a un gros sas de décompression après parce que c'est quand même un peu iconique l'histoire. Bien sûr. Et surtout que moi je n'avais que l'ambition de pouvoir produire ça en étant une structure de l'époque qui ne faisait peut-être que 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, donc avec une part de risque énorme et un engagement total. Mais quand t'es juste vrai, authentique, pas magouilleur et sincère et que t'aimes les gens, bon en général il se passe pas grand chose de mal. D'où même la confrontation qu'on a eue, il y a même eu qui j'étais. Et c'était pas chercher à lui faire un entourloupe, c'était vraiment chercher à équilibrer un système. Voilà. Et puis Jean-Claude Camus, lui, il essaie de sauver l'image, enfin, de garder une image de marque de Johnny. Johnny, c'est une image de marque. Donc il voulait pas que ce soit... Il a raison. Ouais, il a raison. Je lui dis, moi, Jean-Claude, je dis pas que t'as tort. Enfin, je lui disais, vous, quand on s'est parlé à ce moment-là, je dis pas que vous avez tort. Je dis juste que je savais pas et que j'ai pas maîtrisé ça et que voilà, il y a pas d'idée derrière, si ce n'est de remercier le partenaire qui me fait confiance. Et j'aurais pu ne pas le mettre dessus dans la mesure où le mec, il aurait filé des places. Donc, j'ai été hyper honnête dans l'approche. Donc, bien sûr. On retrouve Gérald juste après Ma Gueule, le duo John Hallyday et Catherine Ringer avec Elegretta Mitsuko et Fred Fréchin. Et il me parlera après de l'après-concert Toulouse. Oh ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, quelque chose qui ne va pas, elle ne se revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit. C'est ton œil que je prends en mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Et quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Hey, si tu veux te la payer, viens, je rends la monnaie. Je m'en fous qu'elle soit belle. Au moins elle est fidèle. C'est pas Corinne que je connais et qui me laisse pleurer tout seul. Mais je ne peux même pas en parler. Une qui se fougue. En exclusivité de concert de Toulouse sur RG dans l'émission Johnny de A à Z. Merci Johnny, merci la belle gueule. Elle est belle sa gueule. Et ce, donc le premier soir, le 2 passé, le 3, comment vous êtes? Donc quel non mais il y a eu deux concerts. Hein. Donc, donc les concerts passés. Non, t'es triste en fait. Parce que tu. Et moi, en fait, ce qui m'a vraiment. que je chante du Johnny, j'ai un groupe avec qui je chante. Et en fait, ma plus grosse frustration de tout ça, ça a été de ne pas avoir vu les rapports qu'on avait, de ne pas avoir osé, oui. compte tenu que je payais le truc, lui demander de chanter avec lui la musique que j'aime ou je sais pas quoi à la fin du concert pour ponctuer le kiff de ma vie et l'aventure. Je suis sûr que je lui aurais posé la question, il aurait dit oui. Et là, j'ai pas été assez couillu pour parce que tu vois dans le registre d'un truc où tu produis et t'es le producteur et que le mec dit bah tiens, j'ai le Toulousain que vous connaissez qui a produit, il va venir chanter avec moi, putain, vas-y là. J'aurais trop kiffé quoi. On a envie de ce cadeau, on a envie de ça, on a envie de ce cadeau là. Ah ouais. Après, et en fait donc c'est ma frustration, elle est là. Et le poste, après, c'est comme un événement classique, à part qu'on a des étoiles plein les yeux, des images, des photos. C'est Daniel Angéli qui m'avait fait les photos. J'avais toutes les planches et tout. Ben voilà, et j'avais fait alors avant ça, quand même, faut savoir que j'avais fait un coffret dans lequel j'avais mis Johnny et son album. J'avais acheté 300 albums de la Tour Eiffel. Ça. Mm-hmm. J'avais fait un truc bien pour les mecs qui étaient dans le village. Donc, ils avaient leur album musique avec leur coffret, ils avaient la food, leur place au carré or, etc., etc. Ce qui se passe derrière, c'est la frustration d'un événement réussi qui se termine comme tout, d'ailleurs. Mm-hmm. De toute façon, c'est comme tout. Un mariage, on travaille ça pendant des années, ça ne dure que le temps que ça dure, et quand c'est fini, c'est fini. C'est ça. C'est pareil. Et donc, la frustration, c'est de se dire, voilà, j'ai pas osé lui demander. Je vais vous faire un super portrait de lui qui a été dessiné par Rémi Perrin, un peintre local, magnifique, au fusain. Et je lui avais remis ça officiellement dans les loges. Donc pour terminer sur l'après, après c'est le classique d'un démontage et puis d'une frustration et en même temps d'une joie et d'une fierté. En fait, c'est tout ce mélange-là qui fait que t'as réussi ton truc, t'as fréquenté Johnny, Aubert et compagnie, mm-hmm. Sonia Lassen, il en manque un je crois, Rita Mitsouko. Ouais, t'es fier. Et puis c'est ce qui a donné la notoriété de l'agence aussi dans le potentiel de pouvoir produire et faire. Comme on dit, hein, c'est le sésame. Johnny, c'est le sésame. Ouais, ouais. Voilà. Il n'y avait pas eu envie de réitérer l'expérience avec Johnny? Si, justement. Mais je voulais faire le stadium. On a eu plein de contraintes techniques qui ne permettaient pas de le faire. Mm-hmm. Parce que refaire le Zénith, bon, à l'effet, je voulais faire un truc encore plus gros, quoi. Bah, stade, bien sûr. Ouais. Et faire le stade de Toulouse. Mmh. Et comme ils ont refait des travaux et qu'ils ont remis des contraintes qui sont pas top d'ailleurs, même encore maintenant pour faire des concerts. Et puis après, chemin faisant, tu produis ton vrai métier, c'est pas celui-là. Mais j'avais très envie, mais je suis pas au bout de ça, pour le coup. Parce que j'ai développé un peu mon business, quoi. Mais j'ai même eu envie d'en faire d'autres, mais à chacun son métier dans l'absolu. Moi, c'était plutôt un rêve de gosse par rapport à ce qu'il est, quoi. Mais vous l'avez réalisé, c'est ça qui est bien. C'est aller au bout de son rêve, justement. Ouais, c'est ça. Ouais, le rêve ultime. Ouais. Oh, il y en a d'autres, donc, j'espère que vous avez d'autres rêves, évidemment, entre-temps. Et bien sûr, j'en ai d'autres, mais ça apparaissait comme étant inatteignable. Ouais, c'est ça, ouais. Inaccessible, mais c'est là où, comme on se le dit toujours, ne jamais poser la question, c'est toujours la certitude de ne pas avoir de réponse. C'est vrai. Donc voilà en gros le schéma, l'archétype de ce qui s'est passé. Merci beaucoup Gérald Grégo pour cet échange téléphonique. Un récit que vous retrouverez dans le livret du CD Toulouse 2000. Pour la suite, voici le bon ton des rock'n'roll, Johnny Hallyday à Toulouse le 2 et 3 juin. l'avez entendu, là oui, pendant ce titre, le bon ton du rock'n'roll. Accueillons dès à présent Angeline Annonier, auteure, compositrice, interprète et choriste aussi de grands noms de la musique comme Michel Sardou, Mylène Farmer, Sylvie Vartan, Dick Rivers, Al Jarreau, Sting et tant d'autres, et aussi ancienne choriste de Johnny Hallyday de 1998 à 2003. Angeline, vous avez aussi chanté auprès de Johnny Hallyday par le hasard de la vie. Oui, en fait c'est drôle parce que si tu veux, quand il y a eu les auditions... Oui. Pour le Stade de France, moi je n'étais pas là, je n'étais pas disponible à l'époque, je travaillais avec Arthur, mm-hmm. l'animateur, sur l'émission La Fureur. Donc moi j'étais en répétition, préparation d'une émission sur La Fureur d'Arthur, et donc le jour des auditions, je ne les ai pas passées en fait. Je suis arrivée après. Donc elle passait les auditions en trio, oui. Et il y a un groupe, il y a un trio qui a été retenu, et dans ce trio j'avais deux copines. Il y en a, Johanna, je ne la connaissais pas encore. Et une fois qu'elles ont été prises, une de mes amies était très embêtée parce qu'il a fallu commencer à faire les tournées de promo, etc. Mmh. Et elle-même avait signé un contrat où elle partait à l'étranger. Et là, on lui a dit, mais si vous n'êtes pas disponible, vous ne pouvez pas faire la scène. Bah, elle m'a appelée à la rescousse. Parce que bah, pareil, elle s'est dit, oulala, il faut que j'appelle quelqu'un pour me remplacer. Mais qui ? Puis qu'il ne lui pique pas sa place, évidemment, tu vois. Parce que bon, l'aubaine est bonne. Ben oui. Et alors, moi, c'est mon avis. Je pense que c'est parti de là. C'est-à-dire qu'elle m'a demandé si je pouvais la remplacer. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, on m'a présenté. À ce moment-là, Éric Bamy m'a auditionné. Uh-huh. Donc, j'ai remplacé ma camarade Jessica sur tous les trucs. Et quand elle est rentrée, bah là, je suis allée les voir pour leur dire au revoir. Et on m'a dit, mais pas du tout. Bah, j'ai dit, si. On m'a dit, mais non, pas du tout. Il y a le Stade de France et tout ça. J'ai dit, mais moi, je suis désolée. C'est pas mon poste. Enfin, bon, voilà, j'ai le truc. Et ils m'ont dit, non, mais c'est pas vous qui décidez. C'est la prod. J'ai dit, bon, bah, OK, bah, demain, je vous envoie un certificat médical pour vous dire que je ne suis pas en aptitude pour faire le truc. Voilà, cette place, c'est pas à moi. Moi, j'ai donné ma parole à quelqu'un. Donc. Et là, le mec m'a regardé comme si j'arrivais d'une autre planète. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais vous sortez d'où, vous? Regardez, bah, j'ai dit, mais pourquoi vous sortez d'où? Il dit, non, mais je connais personne qui refuserait de faire des tournées avec Johnny Hallyday quand on leur... Bah, j'ai dit, bah, écoutez, bah, maintenant, vous me connaissez. Voilà, c'est fait. Et puis bon voilà, puis bon j'ai ri parce que quand je lui dis bah maintenant vous me connaissez, c'est pour moi c'était drôle, c'est tout. Oui, tout à fait, oui. Tout voilà, puis je l'ai remercié parce que j'avais passé un bon moment. Mm-hmm. Et après il est revenu vers moi, il m'a dit et s'il y avait 4 filles au Stade de France? Ah, j'ai dit écoutez, s'il y a 4 filles au Stade de France, oui vous pouvez compter sur moi, mais prendre la place de quelqu'un, ça non, je refuse. Et voilà, et en fait c'est parti de là, et à partir de là j'ai été la 4e du Stade de France. Mm-hmm. Et après, tu vois, comme quoi ça s'est vite mis en place, ils m'ont demandé si je connaissais une 5e fille, et on a été 5 au Stade de France. Et après, les tournées qui étaient prévues pour 3 finalement ont été faites à 4 puisqu'ils m'ont inclus dans le lot. Ouais. Et je pense que l'affinité est partie de là. Quand j'y réfléchis, tu vois, on en parle et je me dis, ben oui, il fallait bien qu'il y ait un déclencheur derrière tout ça. Bien sûr, bien sûr. Écoutons Angeline, ou sinon, comme dit Johnny, Angelina. Angelina sur le titre Gabriel. Le concert de Toulouse du 2 et 3 juin 2000, c'est sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Vous connaissez bien. Voilà, connaissez même très très bien. Vous voyez qui veut dire? tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Je veux t'expliquer, tu comprends le jour et la nuit. Je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Tournée 2000. Oui. Que te souviens-tu de la tournée 2000? Bon, déjà, tu es appelé, hein, c'était automatique là. Oui, c'est ça. Enfin, cette équipe-là, en tout cas, celle qui a fait 98 avec le Stade de France, est la même équipe qui a effectivement fait 99-2000. Après, ça a bougé un peu. Oui. Le batteur a changé, etc. Comment on t'a présenté le projet? Comment on t'a présenté cette tournée-là? Alors, si tu veux, comment ça s'est présenté? Bon, on tournait déjà, si tu veux, on avait fait le Stade de France, donc on tournait déjà, c'était un enthousiasme, tout ça, c'était vachement bien, on était contents, on était fiers, enfin voilà, c'était bonne ambiance, bon enfant, enfin, c'était super, vraiment super. Tout le monde s'entendait bien, parce qu'on était là avec ces Américains qu'on ne connaissait pas et qu'on a appris à connaître en voyage, hein, dans le train, dans le bus, dans l'avion. Tu vois, et voilà, mais bon, tout ça, c'était une bonne équipe, hein, bien soudée. Mais il faut dire que Johnny, est une personne qui rassemble, tu vois. Il rassemble, oui, parce qu'il rassemble les foules, mais il rassemble aussi quand il monte sur scène. Ça devient on devient une pâte à modeler, tu vois. Tout est soudé. On ne peut pas faire semblant avec Johnny. C'est quelqu'un qui est entier. Et qui ne fait pas les choses à moitié, même en répétition. Ça m'a toujours impressionnée. Quand tu le vois sur scène, devant le public, tu le vois. Mais quand il arrive en répétition, c'est le même gars. C'est ça, il n'y a pas d'économie, quoi que ce soit. Voilà, il ne fait pas les choses à moitié, jamais. Donc, c'est la locomotive. Moi, j'appelle la comète. Oui, bah, tu rentres dans sa lumière et tu l'accompagnes. Tu ne peux pas rester à l'extérieur. Donc, on avait déjà tout ça et c'était génial. Ensuite, bon, c'est vrai, des choses se disaient par rapport au bureau, parce qu'il y avait les gens du bureau qui voyageaient avec nous, tous les gens qui s'occupaient, qui étaient régisseurs, etc., qui s'occupaient des hôtels et tout ça. Donc, on avait toujours, on nous disait, ben tiens, il va se passer ça la semaine prochaine. On avait un carnet de bord avec des informations sur les dates à venir, les lieux, les adresses et tout ça. Donc, ça, c'était... voilà. Et effectivement, il y avait ce projet. Johnny en parlait, hein, parce qu'il mangeait au catering avec nous. Et je me souviens d'un jour où on discutait, il me disait j'ai un projet pour les 2000. Je voudrais faire descendre les Champs-Élysées. Et je pense qu'on va faire une scène, une scène roulante. Alors, il racontait ça. C'était son truc. Il voulait fêter ses 40 ans de carrière. Il voulait fêter l'an 2000. Il voulait fêter. Et il avait ce projet qui était grandiose, en fait. Hein. Bien sûr. Bah oui, parce que c'était quelque chose de partir de l'Arc de Triomphe pour redescendre tous les Champs-Élysées. Roger Labriole, qui était le bras droit de Jean-Claude Camus, en parlait aussi. Lui aussi, il en parlait. Il disait, oui, il y a un projet grandiose, etc. Alors, on était tous aux abois. On attend de savoir comment ça allait se passer, parce que c'était super excitant d'imaginer ça. Enfin, c'est un truc qui s'était jamais fait, de faire des kilomètres sur une scène en descendant toute une route tout en faisant un concert. C'était, voilà. c'était génial, grandiose. Bon, puis finalement, ça n'a pas pu se faire pour des raisons de sécurité. Tout à fait. Donc on nous a annoncé ça, bon voilà, et ça s'est présenté autrement, donc en postant la scène au pied de la Tour Eiffel. Qui était aussi bien. Oui, oui, c'était très bien, on avait la Tour Eiffel dans notre dos, mais quand arrivé là, c'était grandiose, parce que tout ce qu'il y avait à mettre autour, la sécurité, etc., la scène était immense, le décor, tout ça. Et puis en fait, quand les gens sont arrivés, mais c'était impressionnant. Le Stade de France était déjà très impressionnant. Parce que tu arrives sur un lieu comme ça qui n'en finit pas. Et en fait, s'il n'y a pas les gradins au fond, c'est voilà. Et tu regardes les gradins, tu vois, on dirait des petites fourmis. Et tu dis, mais attends, celui qui est là-bas, il est face à la scène, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il va apercevoir? Il va voir des petites fourmis qui se remuent. Enfin, c'est déjà impressionnant. Et alors, la Tour Eiffel, c'était pareil, sauf qu'au bout, tu avais juste le bâtiment de l'école militaire. C'est ça. Et puis les rues qui partent de chaque côté. Mmh. Et la place était pleine. Et les rues étaient pleines. Et tu avais l'impression que la foule continuait derrière l'école militaire, mais bon, ils ne pouvaient plus rien voir puisqu'il y avait le bâtiment. Mais il y avait des gens dans les arbres. J'y étais, moi. Pardon ? Au fond. J'y étais, mais t'étais où ? Au fond, tu ne peux pas me voir, j'étais au fond. Tu ne m'as pas fait coucou. Bah non, j'ai essayé, mais tu ne m'as pas vu. Ah mince, je faisais coucou à l'écran, c'est pour ça. Ah oui, c'est ça. Alors voilà, il y avait donc des écrans pour ceux qui étaient loin, hein. Ils avaient pensé à tout. Et voilà, il y avait donc des gens dans les arbres et tout. Enfin, c'était vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Et dès que les gens hurlaient, tapaient dans les mains et tapaient dans les pieds, tout vibrait. Mmh. Alors, je m'en souviens, parce qu'on sentait la scène vibrer. C'était, ouais, on avait l'impression qu'on allait décoller, tu vois, ça faisait genre départ de la fusée Ariane. C'était, c'était vraiment chaleureux, impressionnant. Et puis Johnny, il a comment dire, sa générosité est telle, son désir, son besoin de partage. Enfin, la scène, c'était chez lui. Mmh. Et le public, c'était sa famille. Et en fait, là où les gens ne pouvaient pas aller, soit parce qu'ils n'avaient pas les moyens, soit parce qu'ils n'avaient pas le temps, soit parce que c'était loin de chez eux, il avait cette façon d'amener, alors je ne peux pas dire la culture, mais en tout cas, d'amener les activités aux personnes. Mmh. Au Stade de France, tu sais, il a amené un symphonique. Oui. Là, à la Tour Eiffel, il a amené le Crazy Horse, tu vois. Oui, tout à fait. Il avait vraiment ce truc géant, cet art géant. On pouvait pas lui dire non, en plus, c'est ça? Ben, écoute, Jean-Claude était alors vraiment. Moi, je connais pas très bien tous les autres producteurs, mais Jean-Claude Camus, pour ça, c'est pareil. C'est un grand, grand monsieur. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute de ses artistes. Oui. Et parfois, bon, il se serait bien arraché les cheveux parce que. Parce que si tu veux, les grands projets, c'est bien, mais c'est pas gratuit. Ben, c'est ça. Tu vois. Donc, il y a toujours un calcul à faire. Il ne faut pas non plus aller au casse-pipe. Mais bon, Jean-Claude, il écoutait certainement. Je n'étais pas là quand il y avait les réunions, mais il écoutait certainement. Je pense qu'il faisait tout le nécessaire pour voir ce qu'il y avait à faire et pour mettre l'idée en place. Hein, c'est à partir du moment où il avait fait le bilan de la situation et où il savait qu'il pouvait le faire et qu'il avait toutes les autorisations, bien sûr, parce que la sécurité, c'est important. Oui, oui, il mettait les choses en place. Ouais. Pardon. Je viens vous demander pardon pour tous les hommes qui n'ont jamais appris le verbe aimer, qui n'ont jamais compris la force de l'amour, la beauté. Qui n'aime le prix de la apprends-moi à aimer, apprends-moi la tendresse, détruis mes habitudes, ma soeur. Je viens vous demander d'accorder votre grâce à ce que la vie a blessé. Et lorsque le temps passe, il se retrouve nu, perdu. Elle est à Toulouse le 2 juin 2000. Retrouvons Angeline Annonier. Allez, 2000, quels ont été pour toi les moments forts de cette tournée? T'en as un en particulier? Oh là là, en particulier, c'est difficile à dire. Je trouve, c'est difficile à dire parce que je confondrais tout entre 98. Oui. Je pensais bien. À un moment. Mais tout, j'ai adoré. Je sais plus, le parc de Sceaux, c'était en 2000, c'est ça? C'est ça aussi, ouais. Le 15 juin, le jour d'anniversaire de Johnny. Voilà. Alors ça m'a, pareil, ça m'a beaucoup impressionné. Je trouvais que c'était génial. En fait, de toute façon, tout était géant. Ouais. D'une manière générale. Il y a aussi ces choses que j'ai notées qui font partie de Johnny. De, toujours pareil, de sa grande générosité. C'est quelqu'un qui adorait les duos. Donc il aimait bien chanter avec les autres et donc j'ai découvert aussi ce côté-là où à chaque concert il y avait quelqu'un, il y avait des invités. Donc chanter avec Catherine Ringer, chanter avec Lara Fabian, chanter avec Jean-Louis Aubert, voilà. Il y a eu Bruel, il y a eu Sonia Lassen, il y a eu, je me rappelle aussi, il avait fait intervenir un petit gamin qui avait 13 ans, guitariste Nofel, oui, c'est ça. Et je trouvais que c'était génial d'aller toujours, tu sais, dénicher des talents comme ça improbables. La petite Sonia Lassen, c'est pareil, elle était jeune, je sais pas quel âge elle avait, 18 ans, quelque chose comme ça, tu vois. Elle avait 16 ans, un truc comme ça. C'est féerique, tu vois. Ça a quelque chose de féerique et de... Oui, bah Johnny, c'est ça, c'est la comète. J'ai toujours ça parce que c'est... C'est comme un corps lumineux et céleste. Tu vois, c'est comme une boule lumineuse qui arrive du ciel et qui pose des choses qui pourraient ressembler à des miracles, en fait. Mm-hmm. Parce que je veux dire, quand t'es Nofel et que t'as 13 ans et que tu montes sur scène pour faire des solos sur des chansons d'Hallyday, voilà, c'est machin. Quand tu t'appelles Sonia Lassen, que t'as 16 ans, que tu montes sur scène et que tu chantes en duo avec Johnny Hallyday, je trouvais ça. Je me disais que si cette opportunité s'était présentée à moi à cet âge-là, ça aurait été... Je ne sais pas si j'aurais eu le cran qu'a eu Sonia Lassen. Enfin, tu vois, tout ça, ça m'a impressionné. Tout ça, j'ai vraiment adoré. Puis c'est cool aussi de rencontrer d'autres artistes sur scène, de voir Florent Pagny, de voir comment ça se passe. Et je pense qu'il y a quelque chose de très stimulant. Tu vois, de se retrouver au micro à côté de Johnny et de partager la chanson avec lui. Là, je pense bien. Ouais. On doit avoir le trouillomètre à zéro aussi parce qu'on est à côté de The Voice. Hein. Oui, The Voice, oui, tu l'as dit. C'est ça. Et donc, il faut être à la hauteur. Et il devait être mort de trac, tous ceux qui pouvaient faire un duo avec lui. Ouais, c'est ça. Johnny, alors je reviens à ma comète, c'est quelqu'un qui t'embarque tellement que même quand tu chantes à côté de lui, tu t'élèves en fait. Oui. Voilà, il t'emmène dans son sillage, dans sa poussière d'étoiles. c'était une force, hein. Vraiment, c'était une force. C'est des obsèques nationales comme il en a eu, c'est très révélateur. Exactement. Et l'Olympia 2000, alors ça doit être un bon souvenir également. Ah oui. T'es fait coucou, mais tu m'as pas vu, hein, aussi. Bon, t'es sûr? Écoute, l'Olympia 2000, c'est pareil. C'est chaque fois que tu arrives dans des lieux mythiques comme ça, tu as le cœur qui bat à 100 à l'heure, c'est une nouvelle aventure, c'est un rêve, je reviens à ça. Ça a toujours quelque chose de féerique. Tu sais quoi, je vais te dire une chose, quand j'étais au Cameroun, que j'étais enfant, je chantais du Johnny Hallyday. Je chantais « Pour moi, la vie va commencer ». Ben bon. Et donc, on m'a offert ce disque quand j'étais petite. Ouais. Et quand j'étais petite, je disais « Moi, quand je serai grande, je ferai Johnny Hallyday ». C'était ma façon de dire que je serai chanteuse comme Johnny Hallyday. Exactement. Voilà. Donc, maladroitement, je disais « Moi, quand je serai grande, je ferai Johnny Hallyday ». Eh bien, un jour, j'ai fait Johnny Hallyday. Et en fait, c'est là où, quand le rêve devient réalité, c'est magnifique, en fait, Donc tout ce que j'ai vécu, je l'ai toujours vécu comme une bénédiction, c'est vrai. Mmh. Donc l'Olympia, ça a été t'arrives là, c'est avec un grand enthousiasme, une grande joie, c'est une salle mythique, il va se passer des trucs, il y a un nouveau décor. On est toujours heureux de se retrouver, tu vois, c'est ça. Il y a un côté intimiste en plus de cette salle. Le spectacle, cette intimité, cette proximité, c'était vraiment génial. Exact. C'est ça, la proximité, c'était ça. Et alors, donc, c'était ça aussi la force. C'est que d'un seul coup, tu sais, en principe, dans tous les lieux, les stades, etc., tu as toujours un espace entre la scène et le public. Oui. Alors qu'à l'Olympia, c'était un espace réduit. En fait, là, tu peux voir les gens dans les yeux. Tu vois les yeux des gens et tu vois leur expression. Forcément, à un moment donné, ils peuvent se lever. Et là, si tu leur tends la main, tu peux les toucher, en fait. Ou ils peuvent te toucher, inversement. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'était assez... Et à la limite, tu vois, j'ai presque envie de te dire, je pense qu'on a... Enfin, pour ce qui me concerne, plus le trac, quand les gens sont aussi proches, tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Ils sont déjà... Ah, puis alors, c'était fort, parce que Johnny chantait. Donc les gens étaient tout proches, ils les regardaient. Quand ils se penchaient vers une personne en faisant « que je t'aime », tu voyais les filles qui fondaient, tu vois, qui s'évanouissaient dans leur fauteuil. C'était génial. Quand ils chantaient, qu'ils se rapprochaient de quelqu'un et qu'ils directement ils plantaient ses yeux dans les yeux d'une personne, la personne changeait de couleur. C'était, je comprends, hein, toute l'époque où les filles pouvaient s'évanouir, enfin les filles ou les garçons, où les gens s'évanouissaient comme ça. Ouais, c'est ça. Des fois, on comprend pas. Hein, que ce soit à l'époque des Beatles, à l'époque de Johnny dans les premiers temps, tout à fait. Ouais. L'émotion est tellement forte, tu vois, d'un seul coup, c'est ça, c'est pour avoir discuté avec des fans quand je vais dans les clubs, c'est « Oh là là, ça y est, il m'a vu !» Et c'est une émotion, mais tellement forte pour l'individu, quoi, pour la personne qui est regardée, parce qu'à ce moment-là, il regarde. Quoi, ah ouais, c'est ça. Il plonge la connexion. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et la connexion est là, elle est telle. Puis comme il chante et qu'il est sincère dans ce qu'il dit au moment où il le fait, là, la personne, elle se prend la comète en plein cœur. Et c'est notre étoile. On retrouve Angéline Anonier juste après ce titre-là. Qu'est-ce que tu croyais ? Et on va l'entendre, bien sûr, dans les cœurs sur ce titre. Vous écoutez RIG, la radio de Junaïdé, le mercredi soir dans l'émission Johnny de A à Z. Et ici ce soir, en exclusivité, vous écoutez le concert de Toulouse du 2 et du 3 juin qui va sortir là, après-demain, vendredi 23 mai 2025. À peine une heure que tu es là, et tu cherches déjà une fille. Mais tu sais, ça ne marche pas. Elle préfère ce qui brille. Ton air, c'était il y a longtemps. Ça remue les souvenirs. Les filles donnaient leurs 20 ans. Maintenant tu peux courir. We'll dire que tu resteras seul. C'est une longue, longue nuit qui t'attend, une nuit sale à en vomir. Ici, tu n'es qu'un perdant. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu croyais? Que la ville n'attendait que toi. Alors pour ceux qui étaient là la dernière fois, ceux-là vous les connaissez déjà aux guitares, Robin Le Mesurier. Et Brian Noé. À la basse, Reggie Hamilton. Au clavier, Tim Moore et Tom Cunning. À la trompette, Harry Kim. Dan Forleo. Au trombone, Arturo Velasco. Et au saxophone, Ray Herman. Tous les quatre faisant partie du Van Strillers. Les Sexy Ladies, celles-là aussi vous les connaissez, c'est Jessica, Angelina, et Joanna. À la batterie, Walfredo Reyes Jr. Et puis bien sûr, toujours fidèle, Eric Bamy. l'improvisation. Est-ce que tu as eu droit à des parts d'improvisation pendant les concerts ou quoi? Et comment tu t'en étais débrouillé? Il peut y avoir des imprévus ou quoi que ce soit. Il peut y avoir aussi des moments cocasses, on va dire. Que ce soit dans un tour de chant, justement, en plein spectacle, il peut y avoir une improvisation peut-être, non? Ou c'est vraiment au millimètre? Alors normalement, tout est travaillé au millimètre. Ouais. Tout est fait pour qu'il n'y ait pas de place au hasard et à l'imprévu. Oui, tout à fait. Ce qui ne veut pas dire que l'imprévu n'existe pas. Ben c'est pour ça. Et donc, en tant que choriste, après, on est comme un coq en pâte, en quelque sorte. On arrive, on se pose, on se positionne, et puis on avance le show. Écoute, non, oui. Tu demandes une première surprise. Voilà. Tu vois, genre, au Stade de France, je me souviens, on nous avait fait faire des bottes sur mesure, et on était cinq, donc... On court, il y avait tout un circuit à faire pour arriver sur la scène. Mmh. Et on court pour arriver sur la scène. Et l'une d'entre nous a le talon de sa botte qui casse. Et on doit tous arriver habillés pareil, bah avec les mêmes bottes en fait. Ben oui. Tu peux pas arriver dans un coup. Et ben Dieu merci, voilà, il y a le spare nécessaire et les habilleuses qui sont là et qui arrivent en courant et qui donnent les bottes de rechange. Voilà, pareil. Moi, je me souviens aussi d'une fois, mais je sais pas si c'était sur ces années de tournée. Je crois qu'on était en NASA, je sais plus. Je file aux toilettes avant de monter sur scène et d'un seul coup on me dit ça y est les filles on rentre sur scène. Donc ok, je prends mes hier, machin, je cours, je monte. On chorégraphiait avant de rentrer sur le, oui, sur le chant. Mmh. Et au moment où je veux chanter, je me rends compte que j'ai pas mon micro. J'étais partie tellement vite que j'avais laissé mon micro dans la loge. Voilà, voilà. Donc oui, bah, j'ai levé les bras et j'ai tapé dans la main. Et puis effectivement, c'était sur toute la musique que j'aime. Et après, quand je suis arrivée à ma place, bah, le technicien m'attendait avec le micro... Parce qu'il ne pouvait pas arriver comme ça, traverser la scène et me donner le micro, tu vois, en plein milieu, donc ça ne marchait pas. Donc j'ai fini le titre comme ça, sans micro. Ouais. Effectivement, voilà, ça, c'est tout à fait, ouais. Ce genre de surprise arrive. Voilà, et voilà, j'attendais ça, j'attendais la petite surprise comme ça, voilà. Et donc tu as interprété une chanson sur Johnny. Oui, en fait c'est un fan qui a écrit le texte de cette chanson et qui m'a donc contacté pour me demander si j'accepterais de l'interpréter. Ben, j'ai dit écoutez, envoyez-moi le sujet, puis on voit. Bon, j'ai trouvé que le texte était bon. Il avait une base de mélodie au départ, que j'ai trouvé aussi pas si mal. Bon, voilà. Alors après, écoute, on a fait le nécessaire pour qu'il y ait des arrangements musicaux derrière. Mmh. Et puis ensuite, passer en studio, enregistrer, mixer, enfin faire tout ce qu'il y a à faire. Et voilà. Et le morceau est sorti comme ça. Donc le monsieur était content. Donc il y a eu de la promo dessus parce que évidemment tous les clubs à l'idée étaient intéressés et tout ça. Mmh. Donc, j'ai fait pas mal de clubs. J'ai été invitée à chanter dans pas mal d'endroits. C'est donc que j'ai fait notamment, puisque tu en parlais l'autre fois, j'ai été interviewée sur la radio 100% Johnny. C'est ça. J'ai aussi beaucoup travaillé avec le club de Jackie Blavier, oui. Fan de rock'n'roll, de rythme et de blues. Écoute, j'étais les Desperados aussi. J'ai un peu navigué dans le courant des fans, en fait. Mmh. Tu es reconnue, hein, de toute façon, en tant que choriste de Johnny, tu es reconnue. Bah oui, oui, je pense, parce que c'est vrai que je suis souvent conviée, et je suis alors pourquoi, machin, comment. C'est vrai que je suis souvent la personne que l'on appelle. Peut-être que tu es plus accessible que d'autres aussi. Oui, c'est possible aussi que je sois plus accessible, parce qu'en fait, si on en parle, tu vois, j'avais une de mes collègues, avec laquelle on a fait le Stade de France, la Tour Eiffel et tout ça, qui s'appelle Johanna. Oui. Si tu veux, après, moi je suis partie pour faire Sardou. Mmh. Mais Johanna, elle a continué sur Johnny, c'est-à-dire qu'elle a fait Johnny beaucoup plus longtemps. Oui. Alors bon, je sais pas, peut-être que c'est plus compliqué. Alors après, c'est vrai que c'est toujours difficile à dire, mais le contact que j'avais avec la production, avec Camus Production aussi, était certainement plus facile, puisque le bras droit de Jean-Claude Camus, bah, souvent quand il y avait des choses, bah, il faisait appel à moi en fait. Mmh. Écoute, oui, il y a eu cette affinité, parce que quand j'ai fait les tours des Sardou, c'était aussi Camus Production, tu vois, et... Mmh. Il faut croire que je l'inspire confiance. Tiens, ben alors, voilà. Voilà, pourtant mes camarades étaient absolument charmantes, des belles filles, drôles, avec plein de talents aussi. On écoute ce titre hommage à Johnny Hallyday interprété par Angéline Annonier sur des paroles de Jean-Marie Roth et musique de Jean-Marie Roth et de Angéline Annonier également. Voici le titre Johnny. Sur scène, tu ne trichais jamais, tu donnais tout jusqu'à tomber à genoux, tu pleurais d'aimer dans la nuit. ta voix résonnait. Le Stade de France, la Tour Eiffel, sur scène, sous nos pieds tout tremblait. Confinant à l'universel, de partout les cœurs t'acclamaient. Le rock and roll, ton blues se teintait de gospel, créant un nouvel acropole. Ta guitare en nous s'accordait, vibrant au son de nos lumières. À chaque note tu proposais l'idée qu'elles ne sont pas chimères. On pense à toi, Johnny. Décembre à Madeleine, le monde t'offrait un requiem. Derrière cet amour, quelques cris, l'idole des jeunes comme Tennessee. Si ceux qui partent risquent l'oubli, jamais tu ne seras parti. Tu as une invite dans nos cœurs, car il y a VIP à demeure. On pense à toi, Johnny. Tu avais lu nos joies, nos drames. Chacun se lisait dans tes rimes. À chaque mot, chaque prière, tu conversais avec l'intime, comme le soleil avec la terre. On pense à toi, Johnny. Un cadeau dans nos vies. Ta voix est notre cri. Tu reprends du Tina Turner en concert. Ah oui, si tu veux, le modèle féminin d'un Johnny Hallyday, si je veux faire une comparaison, c'est Tina Turner. C'est-à-dire que c'est une femme, c'est un vocal, hein, c'est un organe pareil, vocalement. T'as les mêmes, comment dire, les mêmes tessitures, c'est-à-dire que de passer de la fondamentale à la quinte, c'est-à-dire les montées où elle commence très bas. Et après, la même chose, une octave au-dessus. Mmh. Tu vois, c'est des trucs extrêmement difficiles. Et c'est ce que faisait Johnny dans beaucoup de chansons, ce qui rend d'ailleurs très, très compliqué ce qu'il fait et sa tessiture vocale. Enfin bon, les rockers sont un peu comme ça, quoi. Ils ont cette étendue vocale qui leur permet de descendre assez bas à la cave, comme on dit, et puis après d'envoyer des notes puissantes. Parce que ce qui est difficile, c'est surtout de les envoyer en pleine voix. On peut le faire en voix de tête. Oui. Tout à fait. Mais quand tu veux les envoyer en pleine voix, ça... Ah ben c'est plus joli déjà, hein. Ouais, donc oui, effectivement, je fais cet hommage à Tina Turner pour plein de raisons. Bon, c'est une femme que j'admire beaucoup. C'est une femme qui avait une voix bien à elle, bien particulière. C'est important. C'est un être humain. Alors ça, c'est pour moi, c'est super important que les gens aient une graine d'humanité profonde, tu vois. Mmh. Et cette femme, elle avait ça parce que résiliente comme elle était, puisqu'on connaît sa vie, la violence, etc. Et ce que j'admire au bout de tout ça, c'est qu'elle se relève de tout ça sans haine. Et ça, je trouve que c'est une leçon. Voilà quoi, c'est une leçon. Enfin, je veux dire, c'est comme le Dalai Lama. On a pris son pays. Les Chinois se sont partout, etc. Mais c'est pas pour ça qu'il déclare la guerre, tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Mais pour ça, je trouve que pour arriver à ne pas détester son ennemi, mmh. parce que ça revient à ça, oui. pour arriver à ne pas détester son ennemi, il faut une force et une grandeur d'âme, waouh, c'est une leçon. Et puis bon, après, il y a aussi ça, c'est que ce que j'aime bien ramener à travers ce que je fais avec Tina, c'est que beaucoup d'artistes ont fait des reprises, hein. Johnny n'a pas dévié, hein. Il a repris les cours, enfin, des morceaux rhythm and blues, qui à la base sont des chansons américaines. Donc beaucoup d'artistes font ça, et c'est pas toujours bien vu, on sait pas pourquoi, enfin, voilà. Mais en fait, beaucoup d'artistes le font parce qu'ils rendent hommage, en fait, à d'autres artistes à travers ces reprises, et puis bah, ils se font plaisir, ils chantent des chansons qu'ils aiment chanter, et ce que j'aime aussi dans le répertoire de Tina, c'est que je fais ça, je reprends du Otis Redding, je reprends du Beatles, tu vois, et oui. voilà. Voilà, voilà. Un grand merci à Angéline Anonier pour ce superbe échange. Angéline Anonier que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook par exemple, sous Angéline Anonier What's Love, Tina Turner Experience. Retrouvons Johnny avec ce titre L'envie à Toulouse. C'était le 2 juin 2000. Qu'on me donne l'obscurité et la lumière. Me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine, que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid, pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil. Et qu'on m'enferme un an pour aimer à des femmes. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et merci. Toutes ces choses qui avaient appris et qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Donne la haine, que j'aime l'amour. La solitude aussi, pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence, qu'on me fasse les discours et toucher la misère, pour respecter l'argent. Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne le jour, pour que j'aime la nuit. Me donne la nuit pour que j'aime les jours, pour que j'aime aujourd'hui, oubliez-les toujours. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient appris, qui font l'envie de vivre, et le désir et le plaisir aussi. diriger la radio de June Hallyday dans l'émission Johnny 2 à Z, le mercredi de 22h à minuit. Ce soir, je vous présente en exclusivité le concert de Toulouse enregistré le 2 et 3 juin. À présent, parlons avec Jean-Étienne Louze du studio Stone House de ce nouveau concert Toulouse 2000 qui sortira le 23 mai. Je sais, ils sont formidables, je sais. Alors, et ce concert de Toulouse, alors ? Ah bah, il est cool, ce concert de Toulouse, non ? Il est cool, ouais, tout à fait. Ah, moi, j'ai bien apprécié. Comment tu as fait pour travailler sur ce Toulouse 2000 ? Est-ce qu'on part sur les mêmes bases ? Est-ce que tu es parti sur des bases précédentes, des autres mix que tu avais fait, ou on part à un projet à zéro et on va monter les potards au fur et à mesure ? Non, je suis reparti à zéro parce que à chaque fois, les captations sont différentes et même la captation par rapport à Tour Eiffel n'est pas du tout pareil. C'est pas le même son, c'est le même setup, mais bon, c'est pas le même matos derrière en fait. Du coup, ça sonne pas pareil à la base, donc je suis reparti à zéro complètement. Ouais. En plus de ça, j'ai monté les deux soirs pour avoir un soir optimal. Ouais. Et donc pour le soir, donc qui a décidé des prises ? Est-ce qu'on prend du genre ? On prend le 2 juin, on prend le 3 juin. Qui a fait le choix de ces différentes dates ? Alors j'ai fait le choix initial, oui. Et après pareil, Xavier m'a un peu influencé en disant globalement je préfère ce soir-là. Il y avait plus de pêche pour le 3 que pour le 2, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et puis après, il n'a pas fait non plus le même tracklist sur les deux soirs. Donc, de toute façon, il y a des titres, je n'avais pas le choix, vu qu'ils étaient qu'une fois. Oui, comme du genre L'Arme de gloire, il a fait que le 2 juin. Ouais, il y a Pardon aussi, qui fait qu'une fois. Ouais. Je vois que L'Envie est du 2 juin. Tu te rappelles, tu sais pourquoi ? C'est la version de. Elle était mieux. Ouais, je m'en rappelle. La prestation était clairement mieux. Ouais, en plus, L'Envie, cette version-là, je ne la trouve pas. Même à Tour Eiffel, je trouve que la. Performance n'est pas ouf. Donc là, la performance était clairement mieux sur le 2 juin. Il y a aussi Fils de personne au 2 juin. Ouais. Vivre pour le meilleur du 2 juin. Je veux te graver dans ma vie. Mais tu dois avoir des surprises vraiment. Hein. Tu dois avoir des surprises quand tu ouvres une bande et que tu écoutes. Parce qu'on fait une première écoute. Ouais. Et tu vas noter, tu notes à côté où est-ce qu'il y a des corrections à faire et tout ça. Ouais, bah c'est ça, ouais, exactement. Ouais, tu fais un petit plan, tu dis, donc, batterie, on va alourdir un peu la caisse claire, par exemple, là, il va falloir recaler ici, tu te fais un plan c'est de travail. Ça. Exactement, dès la première écoute, effectivement, je me fais vite une idée de ce que j'ai envie d'entendre, du coup. Et là, après, je vais vers là, quoi. Et après, tu tâtonnes. Ouais, évidemment. Combien de temps on met à peu près pour réaliser un remix comme celui-ci ? Sur un concert qui n'a jamais été touché en plus. Toulouse n'a jamais été touché. Alors, si on compte l'édit, parce qu'il y a beaucoup de temps en fait, d'édition et de nettoyage, à Toulouse, le son était. Le micro de chant de Johnny, c'était dégueulasse, mais vraiment. Donc, j'ai passé beaucoup de temps sur sa voix, que ce soit optimal, quoi. Et en plus, elle est bien en avant. La voix est bien en avant. Ah ouais, c'est, elle est bien en avant, ouais. Mais du coup, j'ai passé pas mal de temps, juste les édits. Les corrections, le nettoyage, il y a facilement 5 jours de travail, 5-6 jours de travail. Et puis après, sur le mix, il y a entre 10 et 15 jours de travail, 10 jours, on va dire. Voilà, 10-15 jours de travail. Donc en gros, on est sur 15 jours de travail bien rempli. Je fais plusieurs passes, tu sais, quand je démarre le mix. Je fais en sorte que mon mix, il marche sur tous les titres dans un premier temps. Bien sûr. Et pour en arriver là, ça peut me prendre... ça me peut prendre, on va dire, 4 jours de travail, 4-5 jours de travail pour me dire que là, le mix, il marche 80% sur tous les titres. Et une fois que j'ai ça, je passe effectivement chaque titre. Et donc ça va, entre guillemets, je fais plusieurs passes comme ça. C'est-à-dire je fais 3-4 passes sur chaque titre. Et c'est là que je règle à chaque fois, je re-règle, je refais une passe entière sur le live, j'écoute en entier, je re-règle les titres. Enfin, tu vois, c'est comme quand tu fais de la sculpture, tu vois, j'imagine, où tu commences avec un bloc, et puis tu refais une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à arriver à un truc de plus en plus précis, quoi. En gros, ça fonctionne comme ça. Voici encore un titre qui date du 2 juin 2000, le titre « Fils de personne ». Ah, Johnny chante en solo. « plus grande difficulté que tu as pu rencontrer sur ce mixage-là ? C'est sur Toulouse. Ce qui était long, c'est la voix. Parce que la voix, elle était dégueulasse. Le prise de voix, hein, j'entends. Oui. Le chant, la prestation, moi j'ai trouvé que Toulouse, c'était un bon concert, quoi. Ouais. Ça jouait bien, l'énergie était cool. On va dire en gros, en langage, on va dire, il y avait beaucoup, pour nettoyer, c'est-à-dire il y avait beaucoup de bruit, parasites et tout ça qu'il y avait sur... On entendait plus l'orchestre que Johnny dans la voix de Johnny, en fait. Le problème était là. On éclaircit, voilà, le truc, comme ça, on dira pas que la voix de Johnny est dégueulasse. Voilà, c'est-à-dire que la voix de Johnny, dans le micro de Johnny, elle est derrière. Ce qui était emmerdant, ouais, à la base. Ce qui est peut-être la raison pour laquelle c'est resté dans les tiroirs, parce qu'à l'époque, ils se sont dit... Là, on va pas. Enfin, ça va être dégueulasse. Il n'y avait pas le matos pour ça. Souvent, ce qui est très fort, c'est le charlet, la caisse claire. Oui. Des fréquences très aiguës qui sont insupportables d'ailleurs dans une voix de chant, vu que tu essaies d'avoir de l'aigu justement pour la voix. Et là, il y avait vraiment toute la. On entendait très fort la batterie, très fort les guitares, très fort les. Dans le micro de Johnny, il y avait beaucoup de P à enlever, beaucoup de, beaucoup de bordel après. Mais je me suis dit, j'ai dû passer sur la voix, j'ai dû passer juste 3 jours, quoi, juste sur la voix. Ce qui est beaucoup, hein, en général, sur la voix, j'y passe une journée grand max, quoi. Ouais, tout à mais coup, sur un concert, là, j'ai passé 3 fois le temps. 2h20 de concert, ça, c'est long. Tu m'étonnes. Mais bon, comme c'est Johnny, il faut, enfin voilà, une fois que la voix était clean tout de suite, le son est plus le même en fait, parce que c'est vraiment, il y avait tellement de repis, tellement de dans sa voix que ça bousillait tout. Et bien justement, à l'écoute de ce concert de Toulouse ou de la Tour Eiffel, on va redécouvrir ce concert-là, et puis on pensera à toi, au travail que tu as fait. Bah, c'est gentil. Sur la Tour Eiffel, il y avait aussi pas mal de bordel, mais moins. Oui. La prise de voix est quand même mieux sur la Tour Eiffel. La prod, globalement, la prise de son sur la Tour Eiffel est mieux. Mais bon, j'imagine qu'ils n'avaient pas les mêmes... je ne sais pas d'ailleurs, c'était peut-être pas le même setup. Mais malgré tout, je trouve que moi, le concert de Toulouse, je le trouve vraiment bien au niveau de l'énergie. Comme je l'ai dit, il est sympa parce qu'on a l'habitude du concert de la Tour Eiffel ou du Parc qui se ressemble, et là on tombe sur les îles de Toulouse et on a une autre chose, on entend autre chose, c'est une autre ambiance également. Et, C'est clair, c'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance, vous la découvrez ce soir dans l'émission Johnny 2 à Z spéciale Toulouse du 2 et du 3 juin. Un grand merci encore à Jean-Étienne Louze de nous éclairer un petit peu sur son travail, sur le mixage de ces différents lives qu'on nous propose. Notamment aussi pour les archives live. Voici de suite quelques cris. Johnny à Toulouse. Le premier cri que j'ai poussé, c'était un cri de nouveau-né. Le jour où ma mère ne m'est pas, nu tremblant entre ses bras, l'éclat du soleil. Me fit peur. La deuxième fois que j'ai crié, ce fut un cri de... Retrouvons à présent Jean-François Chenu et parlons avec lui de l'actualité de Johnny Hallyday en l'an 2000. Et Johnny est sur tous les fronts. L'année 2000 de Johnny, c'est pas uniquement des grands concerts. Je sais s'il y a des grands concerts, mais il a fait beaucoup de choses. Et notamment, c'est une époque où le monde de la publicité le demande beaucoup. Et entre autres, il remplace Zinedine Zidane dans une campagne pour les parfums Dior, au Sauvage de Dior, avec une très très belle photo où il est avec un col roulé. Oui. Et c'est très rare parce qu'il n'aimait pas porter des cols roulés, je crois. C'est ce qu'on m'avait dit aussi. Ouais. Mais je crois que c'est vrai, hein. On le voit très rarement avec un col roulé. Donc très très belle campagne de pub. Et le monde de la pub, il y a quelqu'un que tes auditeurs connaissent peut-être, si je cite son nom, c'est Christian Blachas, qui avait créé une émission sur M6, Culture Pub, voilà, qui est un grand monsieur de la publicité, qui malheureusement nous a quittés, qui est décédé, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et de connaître, puisque j'ai travaillé dans ce milieu-là, qui avait lancé un hebdomadaire qui s'appelait CB News. CB comme Christian Blachas. Comme Christian Blachas, absolument. Il avait fait un numéro à l'honneur de Johnny, avec son image, ce qu'il apportait sur le plan pour la pub, hein, mm-hmm. donc pour le plan commercial, pour les marques pour lesquelles il travaillait. Et il y avait une adhésion du monde publicitaire à Johnny Hallyday, ce qui n'avait pas toujours été le cas. Hein. Et là, il est vraiment au top de sa popularité. Année 2000, je crois que il y avait le journal du dimanche fait deux fois par an en espèce de hit parade des 50 personnalités préférées des Français. Et là, cet été-là, Johnny doit être deuxième ou troisième. Mmh. C'est son plus haut classement. Donc, il était vraiment très très populaire. Et puis Canal+, qui a toujours des idées un peu original et qui se démarque toujours de ses concurrents, avait déjà proposé en 93 la nuit à l'idée avec 7 heures d'émission. Mmh. Donc c'était un truc monumental, hein, qu'il faudrait d'ailleurs que ça ressorte sous un format ou un autre. Et là, on a une deuxième nuit à l'idée, elle est un peu plus courte, mais 5 heures, ce qui est quand même pas mal, qu'on doit à Patrice Golupo, qui filmait Johnny et qui l'a filmé jusqu'en 2000, je crois. Après, il a passé la main. En fait, c'est 3 interviews de Johnny qui sont absolument remarquables, passionnantes à réécouter, parce que vraiment très clair, très très très limpide dans ses réponses, les questions sont intelligentes et tout. Enfin, c'est vraiment bien. Il y a un entretien dans le métro. Mmh. Et c'est une sacrée mise en scène en plus. L'histoire du métro, c'est une sacrée mise en scène. Parce qu'ils ont la ligne a été réservée pour cet enregistrement. Et puis Johnny, il était un peu chafouin, hein, aussi. Il était pas prêt à tourner et tout ça. Ouais, je trouve qu'il est très très bon Il a réussi à se détendre. Il s'est détendu dans son interview, dans ses réponses. Il y a une deuxième interview qui est faite dans sa salle de cinéma, oui, à Malacoquette, et une troisième interview qui est faite à l'Olympia. Et c'est aussi l'année où Johnny a été choisi, retenu par le patron des disques, Ahmet Ertegun, disques Atlantic Record, un grand monsieur du disque, qui avait décidé de rendre hommage au studio Sun, le fameux studio où Elvis a enregistré, et donc une compilation avec plein d'artistes de renom international, Elton John, Paul McCartney, j'en passe et des meilleurs, et le seul un Français, Johnny Hallyday, qui avait enregistré une version de Blue Suede Shoes, version excellente, vraiment explosive, avec deux guitares héros, son guitariste Robin Le Mesurier et Chris Pedding. Oui. Well, it's a one for the money, a two for the show, a three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do nothing, lay off of my blue suede shoes. Cette version, elle est top. Ce disque, il est vachement bon. C'est un plaisir à écouter. Juste pour être précis, il a enregistré ce Blue Suede Shoes au mois de mai 2000 à Los Angeles. Donc au moment où il est en pleine répétition du spectacle, c'est en mois de mai qu'il l'enregistre. Et c'est donc à l'Olympia, donc au mois de juillet, qu'il va tourner un après-midi le clip, ce qui va servir au DVD avec les deux guitaristes. Well, you can knock me down, step on my face, sign my name all over the place. We'll do the thing that you wanna do. Well, they have a nice shoot, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do the thing, they have my blue suede shoe. Là, je me souviens, j'allais à l'Olympia le soir, mais j'étais arrivé assez tôt parce que je vais attendre quelqu'un, et j'étais dans un café qui est tout près de l'Olympia, et je vois passer Chris Pedding avec sa guitare. Je ne sais pas ce qu'il demandait, ce qu'il venait faire. Hein, je ne savais pas. C'est plus tard que j'ai compris qu'en voyant le DVD que c'était pour enregistrer cette version. Pour le DVD de ce disque, on voit Matt Ertegun, qui est là, qui dit tout son plaisir qu'il a à travailler avec, à avoir Johnny dans ce projet. Et donc ça, c'est un très très beau moment parce que c'est une forme de reconnaissance, je trouve, à un niveau international de ce qu'est Johnny Hallyday. Donc ça fait partie aussi de cette année 2000, Tribute to Sun Records, ce disque. Et pour revenir sur l'interview, la longue interview de Patrice Golupo, elle est sortie donc en double DVD, c'est validé par Johnny, je crois. Et ça, franchement, ça mérite d'être revu parce que je trouve que dans les interviews qu'a pu donner Johnny, de sait s'il en a donné, certains un peu obligés, mais là il y a le temps, les questions sont pertinentes, il y a des vraies réflexions, et je trouve qu'on découvre un Johnny qu'on connaît pas forcément. Tout à fait, c'est un très beau documentaire. Très très beau documentaire. S'il devait y avoir un documentaire à voir, c'est au moins celui-là. Alors, les choses que j'adore dans les documentaires, c'est le film de Reichenbach, J'ai tout donné, parce que je trouve que c'est un film magnifique. La nuit à l'idée de Canal, que j'ai revu, il y a des moments incroyables. Sur cassette vidéo? J'avais tout enregistré à l'époque, ouais. Et puis donc ce Hallyday par Johnny qui est diffusé donc en 2020. Écoutons à présent un avant-dernier titre de ce spectacle de Toulouse enregistré le 2 et 3 juin 2000. Voici le titre, Le Feu. Vous écoutez toujours RIG et l'émission Johnny de A à Z. Brûle le cœur et un truc important aussi de cette période-là, parce qu'en fait, on est vraiment dans une actualité à l'idée très dense, c'est que c'est le moment où Jean-Yves et Universal ont décidé de ressortir les 40 albums studio de Johnny en version digipack, en essayant de reconstituer les pochettes originales sur ce format CD qui évidemment est plus compliqué que pour le vinyle. Tout à fait. Il y en a deux qui ont posé, il y en a trois qui étaient vraiment intéressants et amusants à faire. Il y a le fameux velours. Donc il fallait trouver une matière synthétique qui rappelle le velours, c'était Johnny Chantalidet. Il y avait Je t'aime, je t'aime, je t'aime, avec cette pochette qui s'ouvrait. Il fallait tout le format. Ça n'a pas été simple. Et puis le Nashville 84, qui était aussi un produit très... Oui, il fallait reproduire comme il était sorti à l'époque, en 84. C'était pas simple, mais je trouve que bon, Jean-Yves a fait un boulot formidable à l'époque. Et ça a cartonné, en fait. Parce que non seulement Johnny occupait la tête avec 100%, la tête des charts avec 100%, David était aussi... deuxième, mais quand tu descendais dans le classement, tu retrouvais des albums de Johnny qui étaient ressortis et qui ont connu beaucoup de succès. Cette collection, cette sortie a été un énorme succès. Tout ça s'est très très bien vendu. Ça s'était sorti de mars jusqu'à juin 2000. Ouais, je crois que tu avais quatre séries, il me semble. Oui, quatre séries de 10. Voilà. Et les personnes qui achetaient les quatre avaient un système. Il y a des petits coupons à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Si tu cumulais les 40 coupons, tu avais droit au coffret. Au coffret Olympia 2000, voilà, c'est ça. Ouais, avec le vinyle, la cassette vidéo et le double CD. La cassette vidéo, c'est quand même une autre époque. La cassette vidéo, ah oui, absolument. Et donc cette ressortie a très bien marché. Et puis il y a des albums qui ont créé la surprise parce qu'on s'attendait pas à voir aussi bien classé. Par exemple, Hamlet, c'est très bien classé. Johnny Chantalidet, c'est très très bien classé, avec cette fameuse pochette imitation velours. Voilà. Mais en tout cas, vraiment dans l'actualité, Johnny était omniprésent. Et 40 ans de carrière, donc il fallait marquer le coup. Il fallait marquer le coup avec ses 40 ans de carrière. Il y a eu d'ailleurs, pour accompagner ces 40 albums, il y avait un livret, un petit espèce de livret écrit avec un texte de Jean-François Brieux. Tout à fait. Qu'on salue d'ailleurs. Il est de retour de Paris, mais il ne pourra pas joindre à nous aujourd'hui. Pour une prochaine fois. Mais il a du boulot là, parce qu'il faut qu'il écrive les textes de la Tour Eiffel, il faut qu'il écrive plein de trucs. Donc, puis, parce qu'on va rassurer aussi tes auditeurs, toute cette actualité autour de l'été 2000 de Johnny n'empêchera pas la sortie des archives, non, sur lesquelles on travaille ardemment en ce moment, donc a priori fin août, début septembre. Et puis le prochain livre disque, après le succès de 72, qui sera en solitude, dans la continuité donc des années 70. Et sur lequel le travail aussi a commencé. L'année 2000, en janvier, elle démarre par un enregistrement assez original. Johnny a participé à un disque qui est Ma chanson d'enfance. Oui. Donc, avec plusieurs artistes, et il enregistre une version de la chanson de Brassens, Le Parapluie. Et moi, j'aime beaucoup cette version. C'est un titre que j'aime beaucoup écouter. Elle est assez rythmée, et il la chante avec une facilité, une aisance incroyable. Il a démarré l'année 2000 avec ce titre-là. Une chanson qui ressemble un peu à la musique à celle de Bachung, Osez Joséphine. Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute. Le matin même à un ami. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Et un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change par dire. Et c'est aussi donc ce début d'année 2000 qui va ouvrir son restaurant, fameux restaurant, le Balzac, où il est associé avec Claude Bouillon, restaurant dans lequel j'ai eu la chance d'aller deux, trois fois déjeuner. Il avait sa table qui était réservée et on savait s'il venait quand on voyait sur la table des sauces qui étaient préparées pour lui. Et donc dans ce restaurant, au Balzac, c'est là qu'on lui remettra le disque de diamant pour 100%, qui va dépasser le million et puis même après 2 millions. Une cérémonie en présence de David d'ailleurs. Mm-hmm. C'est Michel Sardou qui l'a remis. Je à l'époque, ils étaient encore très très liés à l'époque. Je peux dire que je suis ravi, très heureux que Johnny ait fait cette vente. C'est vrai, il a raison, Pascal. C'est très rare d'atteindre 1,5 million d'albums, surtout à son âge. Et ça me met un peu la pression parce que c'est moi. C'est vrai que je l'ai connu en culotte courte. Voilà, il m'a connu en culotte courte. Et moi, je commence le mien demain, ce qui fait que j'ai une pression. Je suis tout à fait détendu pour aller enregistrer. Je t'en remercie. Voilà, Johnny, bravo. Et je suis très, très fier de toi. Merci, Michel. Merci. C'est un bonheur pour moi, ce disque. Je le dois aux musiques de David. Merci à vous tous. L'année 2000, c'est aussi l'année où Johnny va recevoir une nouvelle victoire de la musique pour le meilleur album avec 100%. Et c'est David qui viendra recevoir le prix, puisque Johnny, lui, est à Los Angeles. Donc, belle récompense, bien méritée pour la réussite père-fils de 100%. Victoire de la musique, victoire du meilleur album de l'année. En ce début d'année 2000, il y a un autre disque amusant qui sort. C'est la bande originale du film Love Me, le film de Laetitia Masson, sur lequel Johnny interprète quelques classiques d'Elvis, du Love Me Tender. Love Me Tender. Love me sweet, never let me go. Heartbreak Hotel, Trying to get to you. Exactement. Et pour ce disque, dans des versions qui sont assez réussies, je trouve assez épurées, c'est Claude Angel, un des très très bons guitaristes français qui a officié et qui a joué sur cet album. Donc la pochette était dans Rose Bonbon un peu, pas très rock'n'roll. Mais bon, il y avait ces titres d'Elvis qui étaient sympas et ça fait partie de son actualité discographique du début d'année 2000. Autre événement aussi de l'année 2000, annoncé en avril, c'est son retour au Québec, au Canada. Il fait une conférence de presse. C'est ça. Une conférence de presse à Montréal pour annoncer qu'il sera les 30 et 31 août. En fait, il va terminer cette fameuse été 2000 au Canada. Donc, il fait trois dates au Canada, justement, au Québec. Et il n'était pas revenu, je crois, depuis 75 au Canada. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment un événement. Le fameux show qu'il avait fait avec Sylvie Vartan en 75. Tout à fait. Il n'était pas revenu depuis. Oui, absolument. Et ce show qu'on espère un jour pouvoir retrouver, en tout cas. Parce que comme tant d'autres. Oui, mais non, celui-là, c'est quand même incroyable. Il est sorti en VHS en Espagne. C'est ça. On ne comprend pas. Mais parfois, c'est compliqué. Oui. En tout cas, ce retour au Canada a été annoncé et c'était un très beau succès. Après, il est revenu, je crois, après... Tout à fait, en 2012. Il a fait sa tournée américaine, de toute façon, il a fait un saut au Canada. Et c'est vrai que lors de la conférence de presse, j'ai un souvenir que les Canadiens lui reprochaient justement de ne pas être venu plus tôt encore. Et puis Johnny dit, mais il faut m'inviter. Vous voulez que je vienne, mais il faut m'inviter. Je viens de dire que ça fait 25 ans, Monsieur Hallyday, que vous n'êtes pas de passage chez nous officiellement. Oui, je sais. Vous nous avez fait attendre. Hein. On m'avait pas demandé de revenir, donc maintenant on m'a demandé de revenir, donc c'est avec plaisir que je reviens. Vous venez de dire rapidement qu'on vous avait pas invité à Montréal, au Québec, donc c'est pour ça que vous êtes pas venu depuis 25 ans. Ça fait quand même 25 ans que vous n'êtes pas venu ici au Québec. Toujours il y a 25 ans, mais nous il y a 25 ans on était comme pas vraiment là. Il y a 25 ans vous n'êtes pas venu ici, on l'a souvent dit. C'est pas de ma faute. D'accord. Il essayait de se défendre comme il pouvait, mais... C'est vrai que tout le monde lui reprochait cela, de ne pas venir, de ne pas être venu depuis tant d'années. Le dernier extrait de ce concert de Toulouse du 2 et du 3 juin, Johnny Hallyday, en 2000. Vous écoutez Johnny de A à Z. Non, rien de rien. Non. Je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal qu'on m'a fait, tout ça n'est bien nickel. Oh non, rien de rien. C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé, avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Oh non, non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Merci. Ainsi se cette émission spéciale Johnny Hallyday à Toulouse le 2 et le 3 juin 2000 sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Je tiens à remercier tous les intervenants de cette émission spéciale, Angeline Anonier, Gérald Grégo, Jean-Étienne Louz et Jean-François Chenu. Je vous le rappelle, Johnny Hallyday Toulouse 2000, sorti le 23 mai 2025. Et n'oubliez pas non plus la séance de cinéma du 15 juin pour les 25 ans de Johnny Hallyday à la Tour Eiffel. Merci encore à toutes, merci pour votre fidélité, merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, tout à tous. Ciao, ciao.